Radio. Et voilà, rebonsoir à tous pour ceux qui n'étaient pas là et qui viennent de prendre l'antenne. Donc vous pouvez nous appeler au 0825 08 5000. Donc elle va se présenter toute seule. C'est l'équipe donc de Evan. T'as déjà oublié ? Ouais, c'est l'équipe d'Evan. Donc elle va se présenter toute seule au standard. Étant donné que Aurélie et Karine ne sont pas là malheureusement, donc l'équipe a encore changé. Donc voilà, elle va se présenter toute seule. Bonsoir tout le monde, je suis Céline. Voilà, donc vous pouvez l'entendre la nuit, donc de 2h jusqu'à 4h chez Evan. Non, de 2h à 4h quand je suis... Pour ce soir, oui. Pour ce soir. Donc, il y aura Hervé aussi au standard. Voilà, donc Hervé qui n'est pas là, mais qui va se dépêcher de venir, parce que sinon je vais m'énerver. Pedro, que vous avez l'habitude, que vous avez eu pendant une semaine au standard avec Max le soir tout seul. Rebonsoir. Rebonsoir à toi. Et puis le tout nouveau sur le site internet, il va se présenter tout seul. Ben, merci d'allumer ton micro. Non, ah non, ça doit être... C'est l'autre. Voilà. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ben, moi, voilà. C'est Stéphane et ben, moi, je suis ravi de faire ça avec toi, Gérard, parce que c'est un rêve de gosse, quoi. Bah, de toute manière, tu verras bien comment que ça se passe. Donc, je t'ai mis un peu au courant comment que ça se passait. Ouais. Donc, les questions qui ont un rapport avec le débat. Avec le débat. Donc, si c'est des questions cons, c'est pas la peine de les passer. Donc, tu gères par rapport à ce qu'il y a. Mais t'hésites pas à me couper la parole, à me dire ou à me faire un signe en me disant comme quoi qu'il y a une question uniquement en rapport avec le débat. Voilà. Au standard, je peux avoir la piste, Céline, s'il oui, te plaît. Je te passe merci. Donc, on va accueillir, je pense qu'on les a tous. Le thème du débat, Gérard. Voilà, comment que c'est fait tout ça? Allez, c'est Monsieur enchaîne. Mazur. Bonsoir, Monsieur Mazur. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur à l'appareil. Pénicien. Oui, bonsoir, c'est Pénicien. J'appelle de Festaille, Lagnoul. La fréquence, s'il te plaît. 78.6, dans les glandes. Je vais te dire une chose. Oui. Tu vas te calmer très vite. Ah, mais je suis calme, hein. Non, mais moi, je te le dis tout de suite. Très bien. OK. Marine, de Carcassonne. Marine. Bah, qu'est-ce que je viens de dire? Marine, avec un N. Eh ben, qu'est-ce que je viens de dire? Marine. Marine, avec un M. Ah, Marine. Tranquille. Ok, Carcassonne, la fréquence. Tranquille. La fréquence. 115.4. Punaise, quand je demande les fréquences, parce que... Gérard, tranquille. Pour les donner. Et Bruce Wayne. Salut Gérard, Bruce Wayne. La fréquence. 113 de Gotham City. Non, tu me laisses... 113. Non. Attends, excuse-moi, c'est pas toi que je parle, c'est Trédo. Non, mais c'est étant donné que j'ai passé le retour de la mienne. 113. C'est gris, moi. Pour la merde. Oh. Oui, 113. Bon, débat sur la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique. Vous avez fermé vos gueules. Les implantations. Oh là là. Voilà. Alors, Bruce. Oui. Bruce Wayne, tu as fermé ta gueule. J'ai rien dit. Non, mais tu vas la fermer, tu vas pas te foutre de ma gueule. Et Pénicien. Oui. Idem. Très bien. Parce que sinon, vous allez prendre des coups de fusil dans les oreilles. Mmh. Ok. Alors, débat sur la chirurgie esthétique. Il y a 17 questions et je préviens ce soir que je veux 10 000 connectés. Putain. Il n'y a pas de putain, on dit moment de travail, d'accord, toi? On a tranquille, la balle. Alors, et puis on dit pas ta mère, Marim. C'est grave. C'est toi qui parles de la mienne, hein. Ouais, non, mais on dit moment de travail, d'accord, ok. Alors, combien coûte une opération pour se refaire une beauté? On va demander ça à Bruce Wayne. Bah, ça dépend, Bruce Wayne, ça dépend ce qu'on veut se refaire faire. Tranquille. Non, mais. Tranquille. Bon, hey. Non, Marim! Marine, un conseil que je te donne, oui, tu arrêtes de dire tranquille, parce que moi je vais te dire tranquille que tu as dégagé de sur l'antenne. C'est parce que... Il y a Souk qui dit que c'est le bordel, le débat. Qui? Souk, il dit que c'est le bordel. Ah bah lui, il va pas commencer, il va se calmer un peu, lui, déjà, pour commencer. Alors... Le bordel dit que c'est le Souk, pareil. Bah bordel, si c'est le bordel, il va se faire sauter. Il ira voir ailleurs si j'y suis. Donc voilà. Alors, Bruce Wayne. Bon, une remise en beauté uniquement du visage, par exemple. Combien coûte une opération pour se refaire une beauté, c'est-à-dire le visage, n'importe quoi. Tout ce que le tu visage. Veux. Bon, moi, personnellement, quand je me suis refait faire les seins, ça m'a coûté 70 000 francs. Non, mais t'es vraiment un con, toi. Les pectoraux. J'ai dû me muscler un petit peu pour rentrer dans mon costume et ça m'a coûté 70 000 francs. Juste un truc concernant Love Story, excuse-moi Gérard, mais on vient de nous prévenir. Que Max vient de nous dire qu'il y a une fille qui s'est barrée du loft. Oh, tranquille. Ouais, c'est Leslie. Elle a fait ses valises. Ouais, c'est Leslie qui se barre du loft. Non, c'est pas Leslie. Leslie, elle fait le sac. Ils sont tous en train de faire la valise. Enfin, quoi, il y a une meuf qui s'est barrée. Je crois que c'est Marlène. C'est ou Marlène, j'ai un doute, ou Julia. Non. Qui, pendant le jeu, elle a craqué. Elle a demandé à se barrer. Elle s'est barrée. Et pour l'instant, c'est les filles qui sont en train de lui préparer sa valise. Et c'est vrai que là, ils ont arrêté. De toute manière, c'est sûr, hein. C'est pas tranquille. Il y a Étienne Moujotte qui nous dit mettez Gérard à la place d'Angela. Non, mais de toute manière, je vais vous informer de ce qui se passe au fur et à mesure. Là, apparemment, c'est. Oh, c'est celui de Marlène, hein, ça, celui-là. Donc, c'est peut-être celui de Marlène qu'on est en train de préparer. Je sais pas si c'est Marlène ou non, Julien. Non, ils ressortent. Ah non, un peu bien son sac, hein, apparemment. Moi, je vous tiens au courant dès qu'il se passe un truc. Hein. De manière délicate, je vous tiendrai informé de qui s'en va durant le débat. On coupera à tout moment. Parce que Love Story a la priorité. Non, mais pour l'instant, ils sont en train de préparer. Donc, Karine et Leslie qui font les tâches. Non, mais c'est Marlène qui s'en va. Apparemment, on dirait que c'est Marlène. Voilà, c'est Marlène qui s'en va. Voilà, c'est bon, c'est bon. Il y a Marc-Olivier Fogiel qui a dit que tu as dit chirurgie néphrétique. C'est de là, il ferait mieux de se la permet. Donc, on revient sur le débat. Et de manière, dès qu'on a des informations, on fait des news. N'ayez crainte, le Love Story, priorité avant tout. Monsieur Marine, ça coûte, ça dépend ce que tu fais faire. L'autre, il avait raison. Bah oui, l'autre, c'est pas. Et l'autre, il a un nom, et puis. Excuse-moi, tranquille, mais j'ai pas. Tu arrêtes de me dire tranquille, parce que sinon, je vais te dire, tu pointes et tu tires. Mais si tu fais la poitrine, c'est 30 000. Non. Alors en euros, 5 000. Faut compter en euros maintenant. Les visages, ça doit être 10 000. Non, mais ça, on s'en fout pour l'instant. Tu me demandes, moi, je te dis, hein, le coût, c'est 5 000, enfin, pour retirer un peu la peau qui tombe. Voilà quoi. Mmh. Le cul après, je sais pas, 15-20 000. Ah, ok. Pénicien. Oui, alors avant tout, Gérard, je tiens à te féliciter pour aborder ce genre de sujet parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent justement de ces problèmes-là. Elles essaient de se refaire un petit peu des parties du corps ou du visage. Mmh. Et c'est vrai que c'est excessivement cher. Hein. Non, ok. Très, très cher. D'accord. Monsieur Mazur, pour terminer. Oui, alors, monsieur Gérard. Attendez, monsieur Mazur, s'il vous plaît, laissez-moi parler un peu. Oui, bien entendu. Je disais qu'on finissait. Tout à fait, je souhaitais donc ajouter. Je disais, monsieur Mazur, que c'est moi qui commande. Ah, et pour l'instant, quand je parle, je n'aime pas qu'on me coupe la parole. Absolument, monsieur. Tranquille, Gérard. Ok. Tranquille. Donc, je disais. Claire Sajal qui dit bien fait pour sa gueule. Je disais que Claire Sajal, elle va se faire sauter par qui à eux, mais j'en ai rien à foutre. Alors, je disais qu'on va terminer par monsieur Mazur et que je donnerai mon point de vue sur ça. D'accord, merci. Monsieur Mazur. Oui, alors tout d'abord, monsieur Gérard, je tiens à vous féliciter d'avoir choisi un tel débat qui me touche tout particulièrement, car la chirurgie esthétique est le grand drame de ma vie. Vous savez, sans toutefois vous raconter ma vie, n'est-ce pas, que j'ai eu quelques déboires conjugaux avec mon ancienne épouse qui s'est fait refaire 5 fois le nez. Et je puis vous dire qu'en ce qui concerne le nez, je ne suis pas au courant des autres parties du corps, mais pour le nez, il en va de 3 800 euros. D'accord. Bon. Pour chaque narine, je tiens à préciser. D'accord. 3 000 et 3 000, ça fait 6 000 chez moi. 800, monsieur Gérard. Ça fait 7 006. D'accord. Voilà. En de bon entendeur, salut. Donc, je vais répondre à cette question. Combien coûte une opération? Je t'encule et moi, je t'emmerde. Win. Monsieur Win, Bruce Win. Oui, je t'encule. Oui. Au revoir. Tu m'as déçu, Batman. Voilà. Terminé. Alors, je disais, donc, je vais répondre aux questions. Donc, je disais, combien coûte une opération pour se refaire une beauté? Donc, tout ça dépend de ce qu'on se fait refaire. Parce que j'ai entendu dire, quand j'étais, quand je me suis fait opérer de la hanche, quand j'ai eu mon accident, Pénicien, tu fermes ta gueule! Non, c'est pas moi, hein. Il n'y a plus de place sur l'antenne, et monsieur Mazur. Oui, bonsoir, c'est monsieur Mazur. Monsieur Mazur, fermez-la, et Pénicien, tu fermes ta gueule. Il y a moi aussi, hein. Pour l'instant, je t'ai pas demandé quelle heure il était. Ah non, mais je croyais que tu m'avais appelé. J'ai la seule besoin, c'est alors pour l'instant, j'ai pas parlé. Tranquille. Donc, je disais que j'ai vaguement entendu dire que pour ce, pour une nana qui se refait faire les seins, ça coûte environ, je dis bien parce que j'ai pas eu les chiffres réels, faut compter environ plus de 10 000 francs. Les deux? Pour les deux, oui. C'est énorme, c'est Gérard. Énorme, monsieur. Gérard. C'est énorme. Oui. Il y a un nouvel auditeur, c'est Peter Parker. De Roquefort la Bédoule. Et donc, il va nous donner ça. Tu me donnes l'affiche et quand vous appelez. Moi, j'ai une rumeur aussi de. Attendez. On revient sur le lot. Il y a un gros camionnage. Il y a un gros bordel. Je sais pas qui c'est qui se passe. Je sais pas ce qui se passe là. Il y a quelque Gérard. Chose. Il y a une bagarre entre deux filles, je voudrais. Si, il y a une bagarre parce que. Y a une apparemment. Ta gueule, ta gueule. Eh, la tienne, ta gueule, connasse. Bon, attendez, les auditeurs, on va les mettre en attente. Voilà. Donc, je disais que là, pour l'instant, il y a une. Il y a l'air d'y avoir un règlement de compte entre deux filles. On va mettre le retour, attends. Donc, celle qui s'en va. Rien à foutre, moi, merde. C'est un pauvre problème. Ça va, ça me fait chier, tu vois. Tu prends un grand sac poubelle et tu mets tout dedans. Ouais. On va faire les Sherlock Holmes. Allô? Oui, Sherlock Holmes. Donc, apparemment, d'après ce qu'elle a dit, elle resterait dans le lot. Je sais pas qui c'est, avec qui elle s'est pris la tête. Donc, dès qu'on a des nouvelles informations, je n'hésiterai pas à vous le dire. On tient, c'est dire. Kamel, il fait des crêpes ou quoi? Kamel, il fait pas de crêpes. Et toi, tu fermes ta gueule parce que c'est pas ça. Gérard, oui. Tu parles de qui, là? Parce que tu dis elle, non, c'est pas qui c'est. Mais apparemment, ça devrait être. Ça devrait être Marlène et Julia qui conduit se prendre le signon. Ah bon? Il y a Susmab qui dit que tu t'enfonces dans le débat, là. Ouais, ben, de toute manière, priorité au loft, c'est tout. Pourquoi on attend ça? Gérard. Non, mais le débat sur le loft, c'est moi qui commande, et pour l'instant, c'est un débat sur la chirurgie esthétique, et vous l'affirmez. Bon, Gérard, donc, Peter Parker. Oui, Peter Parker, c'est ta moi. Ta fréquence, s'il te plaît. Allô? Ta fréquence. Ah, fréquence, 78.8. D'accord, je te remercie. Donc, tu veux répondre à la question maintenant que j'ai répondu? Combien coûte une chirurgie esthétique? Il faut ça. J'ai pas entendu ta réponse, je dirais entre 50 000 et 100 000 francs. Non, mais moi je disais environ 30 000, environ 10 000 pour se refaire faire les seins. Mais ça dépend, Gérard. Non, mais ça c'est pour les nanas. Maintenant, il y a d'autres, il y a peut-être d'autres prix que je n'ai pas en tête. Il faut des mannes. 30 000, mais la nana est super. Non, mais de toute manière, faut bien se dire une chose, hein. Sur la chirurgie esthétique, que de toute manière, ça coûte hyper cher. Et bon, c'est pour les nanas ou pour les mecs, c'est vrai que c'est pas évident. Mais de toute manière, les questions, on va y venir. Gérard, c'est une question de pénicien, là. Oui. Est-ce que tu serais pour que ce soit remboursable par la Sécurité sociale? De toute manière, tu vas pas commencer. Ouais. Tu vas pas commencer à me prendre. Une question, Non, mais tu vas attendre. Ah, parce que les questions, c'est moi qui les paye, les réponses, c'est vous qui les donnez. Ah, et tu vas attendre parce qu'on va y venir là-dessus. Ah, et on va y venir, je sais pas dans combien de temps. Est-ce ta cousin? Ta gueule, toi. Est-ce que Laura, il est en sécurité, là, dans le loft? Bon, alors, je vous préviens d'une chose. Ouais. Non, mais tu sais que Fun Radio est dans le loft. Hein. Ouais, mais je sais, ils sont partenaires du loft. Mais moi, je peux vous dire une chose que pour l'instant. Pour l'instant, on est en train de faire le débat sur la chirurgie esthétique, non sur le loft. Ok, on revient sur les questions. Alors, pourquoi faut-il payer aussi cher pour se refaire une beauté? On va demander à Marim. Marine ou Marim? Marim, avec un N. Putain, mais... je te dis Marine, tu me dis non, c'est Marim. Arrête, comprends pas tentacule et encule ta sœur. Joli. Voilà. En grande forme, c'est ça. Les neurones. Les neurones, ça se débouche, c'est comme le cou. C'est pas besoin d'alcoolique. Alors, Marine, au revoir. J'ai rien dit. Au revoir. Ok, ça va se payer. Ouais, quand tu veux. Il y a une question sur Internet de Jean-Paul God. Pas. Il demande si tu t'es fait greffer, Gérard, de la peau des fesses, parce que sûr, t'as vraiment une tête de cul. Bah lui, il a une tête de con. Et puis il ressemble plutôt à une guenon qu'à un mec. Donc ça va tout de suite, Gérard. Non, mais tu réponds même pas, tu lui dis au revoir. Céline. Oui, Gérard. Par contre, à la ptiote, là. Tu lui dis que je vais m'occuper de son matricule, quand même. D'accord, je lui dis. Gérard, rentre avec le débat. Donc, Peter Parker. Oui. Quelle était la question? Oui, pourquoi ça coûte si cher? Parce que ce sont des opérations qui sont coûteuses avec du matériel de technologie et puis surtout pour couvrir les erreurs. Parce que, bon, moi j'ai vu, j'ai une amie qui s'est fait refaire les seins, par exemple. Mm-hmm. Elle voulait passer de 85B à 90C. Et ben ça a marché que sur un seul sein. Donc, attends, il y a un truc. Attends, tu permets? Je t'en prie. Non, mais il y a un truc que je comprends. Gérard. Oui. Leslie de Paris. D'accord. Je peux avoir la feuille? Merci. La feuille, s'il vous plaît. Merci. Mr. Cousin. Ta gueule, toi, avec Mr. Cousin, parce que tout à l'heure, je vais t'enculer, moi, mais grave. It's Trevor Jones, Mr. Ta gueule. Hey, il sort d'où, lui? Faire ton débat sur les chirurgies esthétiques. Bon, alors, je préviens. Il est trop grave. Je préviens tout de suite. Pedro. Monsieur Major, demande compte. Il m'a arrêté, voilà, je les ai coupés. Donc, je te préviens, Pedro. J'ai rien fait. Encore un bordel comme ça, le débat, il va être vite clos. Alors, c'est où tu choisis. Où tu fais ton boulot correctement à l'arrière. Tu viens faire l'arrière à ma place. Non, non, mais où tu fais ton boulot. Et je veux pas entendre des conneries comme ça. Ou tu fais mal ton boulot et tu sors. Et c'est pas moi aussi. D'accord. Parce que là, je veux savoir le nombre de connectés qu'on est pour l'instant. Alors là, actuellement, on est 7247. Tu vois, ça monte. 246. Non, 245. Ça baisse un peu, d'accord. Ça baisse au fur et à mesure. On est une question de Bill et Boule d'hémorroïde qui demande si. Est-ce que c'est ta vraie moustache ou justement t'as voulu aborder ce soir ce débat de la chirurgie esthétique parce que c'est une fausse moustache? Toi tu fermes ta gueule. Ouais, et alors, la question pénicien. Justement c'est est-ce que tu veux faire du cul parce que moustache ou faire du cul. Alors pénicien, c'est pas moi. Je viens d'entendre ta voix. Je te jure que c'est pas moi. Merci, je viens d'entendre ta voix et je te dis bonne nuit. Bonne nuit. Voilà, en blague déjà trois. Alors, il nous reste Monsieur Mazur, Leslie et Peter Parker. On se laisse là, je voudrais que tu dis bien mon nom. Oh, s'il te plaît. Oui, bonsoir, mademoiselle Leslie. Bonsoir, Leslie. Alors, Peter Parker. Peter Parker. Oui, Gérard. Eh ben donc, j'étais en train de raconter une histoire sur une amie à moi. Non, mais tu vas pas raconter ta vie sur ta copine. Je m'en bats les couilles. Et je voulais dire que ça a marché que sur un seul sein. Et... Oui, merci. Un sein qui fait du 90C et un autre qui fait du 85B. Ah ouais, justement. Donc, elle a porté plainte. Justement, c'est de là que je voulais en venir. Parce qu'il y a un truc qui me semble bizarre dans ta réponse. Oui. C'est que tu me dis qu'elle faisait du 90C. Non, du 90B pour revenir à du 90C. Tu crois pas que là tu t'es planté un petit peu? Mais non, elle faisait du 85B et elle voulait faire du 90C, non? C'est logique. Non, mais attends, c'est pas ce que t'as dit. Thomas d'Angoulême. Oui, bonsoir. Fréquence d'Angoulême, s'il te plaît, merci. C'est 102.5. Ok. Bonsoir. J'aime beaucoup ce que tu fais, Thomas. Merci. Oh! Oui. Peter Parker, tu fermes ta gueule maintenant. Oui, monsieur. Thomas. Oui. Oui, je suis là. Non, mais tu réponds. Alors, c'est la question sur la chirurgie esthétique. Pourquoi faut-il payer aussi cher pour se refaire une beauté? Vous commencez à me les gonfler sérieusement ce soir. C'est vrai que c'est très cher la chirurgie esthétique. Du fait que justement les chirurgiens sont obligés d'avoir une formation bac plus 10. Donc avec. Mais ta sœur, elle a bac plus 11 Les chirurgiens, Gérard, ils ont un niveau d'études très élevé. Hein. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Moi, j'avais. Non, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre des anecdotes. Qui rejoint ton débat, Gérard. Alors, accouche. Alors, moi, j'avais un pote qui était monoboule. En fait, il avait qu'une testicule. Et il s'est siliconé. Et il y a eu une prothèse testiculaire. Et maintenant, il a deux couilles. Et c'est super pour lui. Alors, je vais te dire une chose, Thomas. Oui. Que la prochaine fois que tu me sors une connerie comme ça, je vais te mettre deux boules avec une queue dans ta bouche et tu vas dégager, d'accord? Les slides, ouais. Bah, j'ai bien dit. Ça coûte cher, ça, parce que c'est les médecins, ils prennent cher. Enfin, moi, j'en ai pas besoin. Tu fermes ta gueule pour un cent, tu laisses parler. Slides, ouais. On a beaucoup de réactions de gens qui ont qu'une couille sur le web. C'est assez choqué par ce que tu dis, quoi. Manique. Bon, mais ça, on n'a rien à foutre. Je vais te dire. Non, mais je vais te dire une chose. que là, les mecs, qu'ils aillent qu'une couille ou pas de couille, je m'en. Alors là, je m'en tape complètement. Les je m'en tape, ils ont qu'à. Oui, vous vous en battez les couilles, Gérard. Non, ils ont... Mais eux, s'en battent pas la couille. Hein. Non, mais moi, j'en ai rien à foutre, comme ça, ils iront secouer la petite goutte après. Donc, on s'en fout complètement de ça. Les slides, continue. Ouais, je t'ai coupé, mais continue. C'est super cher parce qu'il faut que tu ailles dans des cliniques spécialisées, tu vois, tu fais pas ça à l'hôpital aux urgences. Hein. Mm-hmm. Et bah, ça coûte cher parce que les mecs ils prennent cher. Mmh. Mais je te dis, moi j'en ai pas besoin quoi. Ouais, ok. Tant que le rap possible. Voilà. Non, et puis déconne pas. Et je supporte pas les mecs bourrés. Il est marrant, Félicien, quand il drague avec ses chicots pourris. Non, mais de toute manière, il est plus là. Hein. Pour le débat, Gérard. Il est plus là. Il y a Caméléon qui demande est-ce que les monocouilles payent moitié prix chez les putes. Bah, ça, il se démerde, et puis c'est pas mon problème, mais des questions. Hey, écoute-moi. Hey, je vais dire une chose que là, les questions, c'est même pas la peine de me les donner parce que. Ouais, mais depuis que t'as abordé le sujet des monotesticules. Ah non, c'est pour moi. On est à 11 416. Non, mais c'est un auditeur qui a. C'est un sujet de société, ça, c'en est un. Il y a des auditeurs qui réclament que tu te coupes une couille. Ah non, mais c'est bon. 11 000 combien que tu m'as dit? 11 713. On aurait pu. Ouais, bah. Rien en plus. Attends, qui c'est qui vient de dire ça? Alors, Thomas. Non, c'est pas moi. Ouais, avec ta voix de PD, tu dégages. Au revoir, bonne nuit. Au revoir. Allez, hop. Il y a déjà qui dit que ton chirurgien esthétique, c'est Red Charles. Ouais, c'est ça. Monsieur Mazur, pour terminer cette question. Oui. Eh bien, écoutez, moi, je dirais que le prix, n'est-ce pas, de l'opération est proportionnel à la partie du corps sur laquelle on agit, n'est-ce pas? Non, mais... Cependant, je n'ai pas terminé. Alors, bien entendu... Non, mais attendez, monsieur Mazur, vous n'allez pas me faire un plat sur votre copine, parce que moi, je vais vous dire... déjà, ça fait... À chaque fois qu'on vous appelle, vous me faites un... Ah non, tout coup, monsieur Gérard, mais non. Hein? Alors moi, je vais vous dire une chose. Non, vous répondez clairement... Vous répondez clairement à la question, oui, et c'est fait, tout. Oui, c'est ce que j'ai fait, monsieur Gérard. Parce que là, ça, à chaque fois, vous commencez à me les gonfler, hein. Alors, je suis bien gentil de vous passer dans le débat, mais là, ça commence à bien faire. Oui, absolument. Alors maintenant, vous répondez clair, vite et précis. J'ai tout à fait répondu, monsieur Gérard. Ça y est, c'est fait? C'est proportionnel, vous n'avez pas écouté, c'est proportionnel à la partie opérée, n'est-ce pas? Oui, c'était terminé, elle a passé dans les... William Dumont! Oui, salut, c'est William Dumont. La fréquence! C'est William, 103.51. C'est où, toi? 103.51. Donc, revenons une partie vite fait sur le loft avant que William réponde. Ah. Donc, apparemment, d'après ce qu'on voit, apparemment, elle a l'air de vouloir rester dans le loft. Qui? Donc, c'est la celle avec sa robe bordeaux, là. Ah, attends, c'est la danseuse de Fabrico. Attends, on va regarder ce loft. Alors, attendez deux secondes. Attendez, s'il vous plaît, coupe-moi les auditeurs. Qu'est-ce qu'il va dire quand il va Non, bah ouais, après. Là, c'est pas fait, hein. Tu rêves? Non, mais attends. Tu rêves. Si tu veux, c'est Thomas, te là. Dire en premier, ah, quand oui, tu veux. Non, non. Si tu veux te dire en premier, quand tu as dit toi. Mais ça. Bon, on comprend pas ce qui se passe, c'est pas très intéressant. Donc, apparemment, on comprend pas du tout ce qui vient de se passer. Donc, les valises sont toujours apparemment en fait. Bah, elle se barre ou elle reste? Non, on sait pas pour l'instant. Il y a rien de spécial. C'est calme, donc, partir, alors. Non, c'est celle du flamenco, là. Mr. Cousin, it's Trevor Jones. Donc, Mr. Cousin. William, oui. Tu réponds à la question, s'il te plaît. C'est la question, tu peux me la répéter, s'il te plaît. Alors, pourquoi faut-il payer aussi cher pour se refaire une beauté? On va s'arrêter vite fait, parce que ça commence à me gonfler, là. La beauté a un prix, quoi, je veux dire. Non, mais attends, ouais. Tout le monde ne peut pas être beau, donc il faut... C'est pour les gens qui sont moches... Faut payer quoi, il faut passer devant le docteur. Mmh. D'accord. Alors moi je vais vous poser la question et on va s'écouter une zikmu. Ouais, je vais te faire un coup. Là. On va s'écouter une zikmu et puis vous allez écouter ce que. Ta gueule. Il est vraiment grave. Je sens que je vais m'amuser ce soir, mais grave merci. Gérard, pose ta question, Gérard. Tranquille. Les auditeurs, deux secondes. Voilà, vas-y Gérard, pose ta question. Alors, faut-il avoir recours à la chirurgie esthétique pour plaire à son copain ou à sa copine? Et on s'écoute dans ma bouche avec James Uzès. Et on se retrouve tout de suite après au 0825 08 5000. À tout de suite. Ce soir. Donc, toujours la suite du débat. Donc, vous venez d'écouter dans ma bouche, j'aime Husset. Et donc, on se retrouve pour la suite du débat. Donc, débat sur la chirurgie esthétique. Donc, on a Peter Parker. Oui, Gérard. Rebonsoir. Rebonsoir. William. Salut. Oh, William, tu prends ta voix normale, tu prends pas une voix de PD. Salut. Parce que sinon, je vais te dire au revoir, comme ça, tu vas vite répondre aux questions, toi. Je crois que tu vas pas faire long feu, là. Ouais, Céline. Oui, Gérard. Tu me reprends William au standard. Tu lui dis soit qu'il se réveille, soit qu'on lui dit oui, au revoir. Non, tu retournes voir Cécile au standard. Céline, ah. Gérard. Et concernant la chirurgie esthétique, il y a Maître Capello qui demande est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec les détecteurs de métaux à cause de ta hanche en tungstène? Non. Jusqu'à maintenant, non. Puis c'est vrai que de toute manière, je vais répondre quand même à cette question qui est très importante. C'est vrai que quand on se refait faire, par exemple, suite à un accident, tout ça. Donc c'est vrai qu'on a des broches sur les jambes. Les slides. Oui. C'est toi qui viens de dire ça? Non, mais je me demande. Non, mais toi, si je te demandais de fermer un petit peu ton clapet, tu la fermerais ta bouche? Bah ouais, si tu peux me le demander, hein. Bon, bah alors pour l'instant, tu me laisses répondre à la question. Merci. Monsieur Gérard. Donc, je réponds à la question de l'auditeur. Donc, c'est vrai que par moment donné, ça peut arriver que. Avec les détecteurs de métaux, ça sonne. Moi, ça m'est arrivé, mais ta gueule! It's Trevor Jones, Mr. Oh putain, mais hey, ça commence à bien faire, là, celui-là, hein. Oui, c'est intolérable. C'est vrai que par moment donné, ça sonnait. En fin de compte, c'était pas l'histoire de ma broche. En fin de compte, c'était un trousseau de clé et autre chose que j'avais sur moi. Donc, il a fallu que je retire mon trousseau, tout ça. Okay. Donc, voilà. Bah, c'est marrant parce que quand tu expliques un peu tout ça, là, on est remonté à 9113. Ouh. Bah ouais, parce qu'il faut quand même bien expliquer comment que ça se passe aussi pour les aéroports. Hein. Parce qu'en fin de compte, c'est dans les aéroports que c'est le plus dangereux. Ouais. Donc, voilà. Alors, donc, on a toujours Monsieur Parker. Peter Parker, oui, c'est moi. Donc, toujours là. William, tu t'es calmé? Oui, j'ai la pêche. Les slides? Les slides, ouais. Et Monsieur Mazur, pour finir. Bonsoir à tous, Monsieur Mazur. Bonsoir, Monsieur Mazur. Donc, la question, ça y est, c'est terminé maintenant, les bonsoirs. On n'en parle plus. Donc, la question, peut-il avoir recours à un chirurgie esthétique pour plaire à son copain ou plaire à sa copine ou à son copain? On va demander à Monsieur Mazur. Écoutez, je dirais que tout dépend, bien entendu, de la personne qui vous accompagne dans votre vie. A-t-elle bon ou mauvais goût, n'est-ce pas? Parce que si une personne n'est pas capable, vous passez entre les mains d'un chirurgien, n'est-ce pas, pour lui plaire, si cette personne n'est pas capable de vous apprécier à votre juste valeur une fois refait avec une quelconque prothèse ou un rajout mammaire, eh bien écoutez, elle n'a plus qu'à prendre la porte, c'est du moins mon opinion. D'accord. William? Ben moi, Gérard, je pense que la beauté est surtout intérieure, donc le chirurgien n'a rien à voir là-dedans. La personne, si la personne est à bon fond, si elle est aimable... Je pense que même si elle se fait ravaler la façade... Non, mais faut-il... C'est la question. Faut-il avoir recours? Ouais. Bah, je pense que non. Faut-il avoir le recours à la chirurgie esthétique, par exemple, pour plaire à quelqu'un? Je pense que c'est pas obligatoire. Non, d'accord. Tu peux former quelqu'un juste avec tes paroles ou une certaine présence, ton charisme. D'accord. Peter? Oui, bah, je suis exactement d'accord avec William, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est à fortiori la beauté intérieure qui compte et ce que la personne dégage au niveau de son charisme, de son odeur, tout ça qui peut plaire, à la personne, pas forcément. Non, attends, Peter, c'est moi. Oh, je crois que tu t'échappes un peu de la question, c'est pas non, du pas tout. Du tout. Si, apparemment, t'as l'air de t'échapper de la question. Je tenais à spécifier que la tenue vestimentaire est vachement importante. Hein. Bon, alors, Peter, au revoir. Il y a des gens, Gérard, qui conseillent d'arrêter de fumer parce que ça peut provoquer des fissures anales. Mais non, ça procure rien du tout. C'est ça. Il y a une odeur. Moi, je dis, mon chemin, il me demande as, je le largue de suite, quoi. De quoi? Il y a un mec qui me demande ça, je le largue tout de suite. Attends, tu peux expliquer là, parce que je comprends pas du tout ce que tu veux me dire. Non, tu t'imagines. Non, attendez, monsieur Mazur et William, vous la permettez. Très bien. Merci. Il y a pas ce qu'il a dans le pieu, tu vois. Il y a de l'interférence là, putain. Non, mais ça, c'est au standard, apparemment, qu'on a des petits problèmes. Un sondage. Oui. Que pensez-vous de la chirurgie esthétique? 30% des gens. Non, c'est bon, les sondages, c'est moi qui les ferai tout à l'heure. On laisse finir. Faire la bête. Laisse-la rire. Je veux dire, le mec, il a, c'est parce qu'il a dans le pieu, quoi. Tu t'imagines même pas. Mm-hmm. Donc, il me demande ça, il tèche, il prend mon pied dans la gueule, il tèche, quoi. Mais non, mais attends. Donc, toi, tu serais prêt? Prête, je suis fille. Tu serais prête à le virer? Ah ouais. À le virer pour... Ouais. Ah mais moi... Genre, tu la trouves pas un peu agressive, laisse-la. Non, je suis pas agressive. Non, parce que... Pas comme ça, toi. Eh, William. D'où je suis agressive, toi? William, pour l'instant, tu fermes ta gueule. Ouais. C'est tout parce que vous êtes pas capable de répondre aux questions. Écoute, là. Alors, moi, je peux vous dire une chose. Que c'est vrai, pour plaire à quelqu'un, il n'y a pas besoin d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Oh, standard, s'il vous plaît. Bah, des fois, il vaut mieux. Attends, laisse-la. Oui, Gérard. Parlez un tout petit peu moins fort. Je suis désolé. Par contre, si ça ne te dérange pas, tu peux prendre quand même du monde au téléphone. Mais, laisse-le. Gérard, William, tu fermes ta gueule. Pas, Gérard, j'en ai beaucoup de réactions. Ah, bah, s'il y a des réactions. Attendez, s'il vous plaît, les auditeurs. Oui. Allez, on l'offre un peu mal. Alors. Oui, attends, je récupère déjà avant une nouvelle personne. Oui, j'ai liposanction 119.9 de la queue en brioche. Merci pour le Larsen. Bonsoir, c'est liposanction. Oui, bonsoir à toi. Donc tu veux répondre. Oh, le Larsen. Le Larsen, merci. S'il y a un portable, les portables, j'en veux pas. Hein. Ouais. J'avais bien précisé. Alors, qui a un portable? Qui appelle d'un portable? Ne répondez pas tous à la fois. Pas moi. Ah ben non, bah... Non, mais ça va. Ça va, Pedro? On ne te gêne pas trop? Il appelle. Tranquille le chat, ça va. Non, mais t'as ton portable, parce que dans ce cas-là, moi, je peux m'y allumer, puis je fais du Larsen. Ben, vas-y, hein, te gêne pas. Non, mais attends, t'es dans mes débats, donc t'éteins ton portable, s'il te plaît, merci. Oh, tu fermes ta gueule, toi, espèce de trablo, tu dégages. Au revoir, William. Au revoir, William. On traite pas de pédé comme ça. Voilà, donc, réaction sur l'internet avant que. Le problème de l'internet, c'est que là, on est passé à 1622. Ouais, non, mais il y a quelque chose, parce que. On nous dit que c'est un peu le bordel, et voilà, quoi. Non, mais là, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas grave. Donc, On nous dit que la chirurgie est au débat, ce que Gérard est au talent. Ouais, bah c'est bien. Bah c'est bien, il continue comme ça, puis qu'ils ont. C'est un compliment qu'il te fait là, tu pourrais dire. Bah oui, non, mais qu'il continue comme ça pour réagir, c'est bien, moi, au contraire, ça me fait plaisir. Ouais. Donc, liposanction. Est-ce que tu peux me rappeler vite fait la question en vitesse? Alors, faut-il avoir recours à la chirurgie esthétique pour plaire à sa copine ou à son copain? Je pense que comme tu le rappelais, le fait de plaire dans le couple, c'est quand même essentiel. Mmh. Et que pour avoir une vie en couple, si tu fais pas à ton partenaire, c'est dur. Donc éventuellement, ouais, je pense que ça peut devenir une nécessité s'il y a pas compatibilité entre les partenaires. Mmh. Et donc on accueille Camomile pour ça. C'est pas Camomile, c'est Camoule. Camoule de Tours. T'as pas appris à lire, Gérard? Ouais, mais c'est pas... Gérard! Non, mais c'est bon! J'ai pas eu mon café, donc c'est normal, c'est pour ça que je vois rien à ce temps-ci, il me manque un café. Camoule, alors? Ouais, ça va, Gérard, bien ou bien? Bon, vas-y, tu réponds à la question et tu te tais. C'est quoi la question, s'il te plaît? Oh non, mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous prenez le train? C'est pas l'argent. T'as une meuf, elle te dit, tu préfères faire la gueule, tu le fais. Il y a Jacques qui dit que ton neurone, Gérard, fait des interférences. Ah ben c'est bien. Donc, il a qu'à se coucher. Si c'est une meuf de la Tessie que je kiffe bien, ouais, je me refaire la tête, ouais. Y'a pas de soucis, quoi. Ouais, okay. Donc, alors, je vais répondre à la question de les... une bonne billatche, quoi. À l'Espagne. L'Espagne. Donc, toi, tu disais que... Garde mon nom, s'il te plaît. Ouais, ben, je l'ai bien dit. Ouais, bah tu fais attention. Ouais. Oh, s'il te plaît, on se calme. Voilà, Grèce. D'accord. On se calme. Il y a Luxo qui demande si t'as attaqué ton chirurgien esthétique. Non. Est-ce que tu l'as attaqué? Donc, je disais... Putain, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pedro! Question de monsieur Cousin. Pedro, ça commence à bien faire! Oh là là. Gérard, fais attention. Ils sont pour rien, mais arrête. Ça commence à bien faire. Qu'est-ce qu'il y a? Je préviens que le débat ira, sera bien clos. T'as même pas de poids, là, ça tombe. Non, Pedro, ça suffit maintenant. Et tu veux me dire, vous laissez le rideau ouvert. Hein? Quel est le rapport avec le débat? Ouais, ben, c'est là qu'il commence. Elle va pas nous casser, il a coûté cher. Oui. Alors, je disais, donc, je réponds à la question, donc, faut-il avoir recours à la chirurgie esthétique pour plaire à sa copine ou à son copain? Je réponds à la question de Leslie. Donc, apparemment, il y en a qui veulent. Bon, si leur copain demande à sa copine de le faire, il y en a certaines qui le veulent, il y en a d'autres qui le veulent pas. Hein? Donc, ou vice-versa. Mais c'est vrai que... Les trois quarts du temps, c'est vrai que ça ne sert à rien. Par exemple, moi, je peux dire que si le mec, il dit à sa copine, bon, bah, tu te refais faire les seins parce que sinon, je ne sors plus avec toi, eh ben, moi, je dis comme ça, ben, tu fais ce que tu veux, c'est tout, c'est ton libre choix. T'es pas d'accord avec moi, Leslie? Leslie! Merci de me remettre les auditeurs en air! Oh! Leslie! Tu parles comme ça. Elle est là, Gérard, hein? Les c'est pas les slangs, c'est les Leslie. Leslie, comme au fait là. Et tu dis bien mon nom, s'il te plaît. Ouais, bon, donc t'es pas d'accord avec ce que je viens de dire? Je suis complètement d'accord et franchement, tu me plais comme mec, quoi. Ah bah, c'est bien. Dis comment tu parles, comment tu raisonnes, tu t'es un mec bien, toi. Non, mais de toute manière, faut dire une chose, que c'est pas. Y a pas besoin d'essayer de faire. Parce que moi, j'ai toujours dit, la personne on va faire un débat aussi sur les obèses bientôt. Monsieur Gérard, pardon de vous avoir... Oui, monsieur Mazur. Excusez-moi, mais il y a comme une interférence, je crois, entendre des canards à l'antenne. Non, mais monsieur Mazur, les canards, je les emmerde. Ah, d'accord. Non, mais c'était pour vous le signaler, monsieur Gérard. Non, mais de manière, il y a un truc qu'il faut bien se dire. C'est que bientôt, il y a pas mal de sujets de débat qui vont être abordés pour l'instant. Le prochain débat, ça sera sur la jalousie. Et après, ça sera sur l'obésité, parce qu'on en parle assez. Il y a Yves Lancotte qui nous dit que c'est pas des canards, c'est des poules. On a pourtant beaucoup parlé. Hein. Ouais, mais ça... Pedro, tu arrêtes! Tu commences à me casser les couilles sérieusement ce soir. Je peux pas, je voyais pas. Déjà que tu fous ton bordel quand tu m'appelles, tu me raccroches au nez, j'aime pas ça. Alors, faut te dire une chose, que maintenant, c'est moi qui commande. Ok? Ce n'est plus toi, maintenant. D'accord? C'est pas moi, arrête. J'attends, faut arrêter. On m'a arrêté, faut calmer. On est à 622 litres. Oh, l'air bien. Ouais, mais ça... Pedro! Tu fais une chose, soit tu te calmes ou tu dégages du sang du studio. Je calme, Gérard. Hein, il est déjà 1h15 et c'est le bordel. Alors ça commence à bien faire. C'est clair? Ok. Alors. Je viens de remonter à 2222 parce que... Non, mais là, il faut se calmer là maintenant. Gérard reprend le contrôle, c'est calme. Hein, c'est le dernier avertissement avant exécution. Ça là, ça va aller vite ce soir, hein. T'as mis combien d'avertissements, là, t'as vu en ami? Ça, il s'est fait déjà le cinquième. On se la barre, hein. Mais je te rappelle qu'au bout de 10, t'as une image, hein. Alors, je préfère dire que si vous voulez continuer comme ça... Attendez. Non, mais c'est simple. Si ça continue comme ça, le débat, il est huit clos, tu vas faire comme Marlène, tu vas pas te barrer. Non, mais si, c'est pareil. Ah, parce que ça commence à me gonfler. Ouais, alors, on se calme, arrête. Mais t'arrêtes. Prends ta valise et tu dégages. Et toi, tu fermes ta gueule. Moi, je suis tranquille, Gérard, je te ferai des crêpes. Eh ben, moi, je te dis au revoir. Allez, hop, Kaboul, au revoir. Kaboul, au revoir. Kaboul. Bigote à la radio. Hop. Moi, de talibon, tu retombes à la balle, là. Donc, je reprends. Donc, Leslie. Est-ce que t'avais compris ce que je disais? Ouais. T'as compris, moi, ce que je t'ai dit, au moins? Bah oui, mais toi, tu vires directement la personne avec qui t'es à cause de ça. Donc, moi, je te redis. Donc, de manière à la personne, si elle veut se refaire faire une beauté pour plaire à son copain, c'est son problème. Ouais, mais c'est vrai. Non, mais ça. Par exemple, je suis avec toi. Ouais. Je te kiffe, franchement. T'es un mec bien, je te dis, t'es un mec droit. Ta gueule! Tu es à moi, toi. On te correspond. Mais pareil. Mais ta gueule, elle me plaît pas. Je la faire faire. Ça dépend. Ça dépasse. Ça dépend de quoi? Bah, ça dépend si j'ai les moyens pour la faire faire. Ouais, il y a trop de merde, laisse tomber, faut appeler Bouygues, là. Alors, l'open sanction. Au revoir. Au revoir. Il n'y a pas d'erreur, c'est bonne nuit. Sur la personne. C'est bonne nuit. Il y a mépris sur la Au revoir, voilà. Céline. Céline. Au revoir. Au revoir à l'opposition. L'opposition, toujours là. Au revoir. Allez, je vais arrêter de le faire, là. J'ai plus de bras. Ah, mais j'ai un gilet pare-balles, tu peux donner. On va voir. Allô? Bah yes, et voilà. Bon, qui nous reste Leslie et Monsieur Mazur. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Bon, ça va, Monsieur Mazur. Bon, du calme, allez, vas-y, Gérard. Donc, alors, donc, voilà, donc, j'ai répondu à la question. Donc, question suivante. Alors, on va un peu aller de... Non, que faire? Ah ouais, faut-il l'accord des parents ou du médecin pour se refaire une beauté? Alors, je précise, avant qu'on accueille d'autres personnes. Il y a Emmanuel Laborie qui dit qu'elle n'a pas entendu ta question. Putain, ils sont graves sur l'internet. Ouais, c'est grave, hein, ce soir. Non mais ils sont vraiment cons quoi ce soir. Oui, ils voient pas vraiment. Ne vous laissez pas distraire, monsieur Gérard. Reviens au débat, Gérard. Alors, je fais que traduire ce que dit le nom. Ah non, mais ça bon, dit maintenant, t'es à 8822. Merci. Alors, Michael Jackson. Bravo. 8822 quand même. Ah, combien? 8822. Attends. Parle bien dans ton micro, hein. 8822. Mr. Cousin. 800. Oui. Il commence à me gonfler. Michel Jackson. Oui, bonsoir. Mon mignon 118.8 et oui. David de Bougue la Reine. Bougie la Forêt, pardon. Bougie la Forêt, oui, David, top modèle en intérim. Bonsoir. Alors la question, faut-il l'accord des parents et du médecin pour se refaire une beauté, David? Eh ben moi personnellement je peux t'en parler puisque je suis donc top modèle. Donc, non mais attends, tu réponds correctement à la question, c'est tout, hein. Tu vas pas t'éterniser sur toi parce que ça va aller vite, hein. Bon d'accord, oui. Oui. Non, bah, c'est la réponse. Ok. Michel. Précis. Michel. Non, c'est ma réponse. Ta réponse est non? Non. Bah, Leslie. Oui. Tu as oui. Moins de 18 ans. Ah, voilà. Enfin, quelqu'un qui... T'as pas précisé de lui. Ah, non, mais faut-il avoir l'accord des parents et du médecin pour se refaire une beauté? Donc, la réponse est dans la question. T'as pas précisé pour les mineurs de moins de combien? Et même. Bah non, c'est mineurs de moins de 18, mineurs moins de 16, moins non, de 16. Non, mais c'est mineurs de fond. Donc, Leslie, tu disais oui, toi. Bon, t'arrêtes de m'appeler Leslie, hein. Tu m'appelles Leslie. Ouais, bah t'as qu'à trouver un nom plus facile à dire. Attends, moi, Leslie, c'est mon nom, j'ai pas changé pour toi, quoi. T'apprends à le dire, c'est tout. Mais t'appelles pas Gérald, hein. T'appelles pas Gérald ou Jérôme. Bah, tu m'appelles comme tu veux, tant que c'est pas trop tard à la cible, j'en ai rien à foutre. Monsieur Mazur, pour finir. Eh bien, je dirais, ça dépend. Alors, ça dépend de quoi? Ouais, bien. N'est-ce pas, bien entendu. J'aimerais explorer un peu et développer, si vous voulez. Non, mais vous n'allez pas vous éterniser, monsieur Mazur. Tu laisses parler, là. Non, parce que moi, j'ai... Non, c'est intéressant ce qu'il dit, tu mais moi, ouais, mais moi aussi, j'ai des trucs à dire. David et Michel, vous restez polis, sinon je vous dis au revoir tous les deux. Je dis de rester circoncis pour rester clair dans le débat, quoi. Oui, absolument. Donc, restons circoncis, tout à fait. Écoutez, oui, je dirais que ça dépend, tout dépend de l'enfant, est-il encore à la charge de ses parents, bien entendu. Il y a très souvent des enfants mineurs qui ne vivent pas au domicile familial. À ce moment-là, il faut demander à la DAS. Non, alors, Leslie. Leslie, s'il te plaît, t'habites de parler de ça, s'il te plaît, merci. Voilà, moi aussi, je viens de là, hein, c'est bon. Non, mais moi aussi, alors donc, c'est bon. Pareil, hein. Tous les deux, on est pareil. Ok, alors, il y a une question de fil boule de laine. Qui pose une question de la part de Gilbert Montagnier. Gilbert Montagnier qui a un problème de réglage de sa webcam. Non, mais ça n'a rien à foutre, c'est pas le thème du débat. Donc la question... C'est bon, c'est réglé, Ray Charles lui a... C'est ok. Donc la question, c'est que faut-il l'accord des parents et du médecin pour se refaire une beauté? Donc la question pour moi, c'est si la personne est majeure. Je précise, si la personne est majeure, il faut l'accord automatique des parents. Majeur, ouais. Non, s'il est mineur. Il faut que ses parents soient majeurs, rappelle dans ton cul. Non, mais lui, il va se faire enculer. Et les questions... C'est dans ton cul. Non, mais les questions comme ça, c'est pas la peine de les poser. Mais c'est casé. Donc, je disais... Mais c'est casé. Ah, du calme. Oui, donc... Pedro. Pedro. Déjà, c'est toi qui vas commencer par te calmer et d'arrêter de me balancer des merdes sur l'antenne. Ouais. D'accord ? C'est clair et c'est précis. Moi, je suis d'accord parce que nous, au standard, on n'y arrive plus. Hein. Bon, bah, donc, il y a faux cul qui dit. Non, mais vas-y, continue. Non, mais continue. C'est intéressant, vas-y. Il y a faux cul qui dit, Pedro, arrête de faire le canard. Vas-y, continue, laisse-les foutre la merde. Et continue à foutre ta merde aussi. Gérard, s'il te plaît. Parce que là, ça commence à me... Gérard. Moi, c'est tout. Ok. Merci, Gérard. Ça me fait chier. Alors, donc, je réponds à la question et après, on va mettre une zécmu. Question de M. Cousin. On va peut-être lui dire au revoir, hein, Gérard. Non, mais je crois que c'est toi tout à l'heure qu'on va dire au revoir, tu vas dégager. Qu'est-ce que j'ai fait ? Gérard, sérieusement, Pedro, il fait rien. Hein. Ouais, non, mais les jingles comme ça, c'est bon. Il y a beaucoup de gens qui prétendent une relation entre Gérard et Pedro. C'est carrément, à chaque fois qu'il y a un débat, c'est le bordel comme ça. Voilà. Alors, à chaque fois, on n'arrive pas à obtenir le nombre de personnes sur l'Internet. Il y a des gens qui pensent que Pedro est ton fils parce que t'es très dur avec lui. Non, mais c'est pour mon fils, heureusement que j'ai pas un fils aussi con que lui. Parce que j'en suis un tous les matins. C'est sa famille, hein, pourtant. Donc, peut-il l'avoir? Ah, donc, je réponds. Donc, question de M. Cousin, à nouveau. Gérard, excuse-moi, mais je ne sais pas si c'est déjà arrivé, parce que c'est la première fois que je fais cette émission. On est à 12 713 connectés. 12 713. Oula. Donc, la question de M. Cousin. Bon, il faut trouver une question, M. Cousin, là, qu'est-ce qui se passe? Je disais, donc, faut-il avoir l'accord des parents et du médecin pour se refaire une beauté? Donc, si la personne est mineure, oui, il faut l'accord des parents. Mais du médecin, c'est le médecin qui décide vis-à-vis avec les parents. Ce n'est pas les parents tout seuls, il faut avoir l'accord des deux. Et déjà, avec le médecin traitant, plus le médecin qui s'occupe de la chirurgie. Monsieur Gérard, pardonnez-moi, excusez-moi de oui. Un instant. Pourriez-vous répéter? Je suis en train de noter vos dires, qui sont tout à fait intéressants. Eh mais Gérard, t'as qu'à aller aux USA. Ben, aux USA, c'est vrai. Oui, c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai. Aux USA, c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin d'avoir l'accord des parents. Ça, c'est vrai que dans certains pays, ils n'ont pas besoin d'accord des parents ou du médecin. Mais faut aussi... Il y a Laura Ingalls qui voulait dire qu'elle se plaint du docteur Baker qui l'avait raté quand elle était petite. Non, mais ça, c'est des questions cons. Alors, c'est ah ouais, même pas bon, la peine que je vais répondre à celle-là. C'est même plus... Ça sert à rien du tout. Voilà. Donc voilà. Bon bah. Gérard. Oui. Oui, David, top modèle en intérim. Je voulais juste te poser une question. Comment se fait que le docteur doit donner son avis, ça le regarde pas? Enfin, je pense. Non mais attends, tu parles. Quoi? Bon, bah. Moi, je te pose une question. Pourquoi le docteur doit aussi donner son accord? Ça le regarde pas? Les mais parents, c'est le médecin de. C'est le médecin de famille. J'ai bien précisé, le médecin de famille qui est en accord avec les parents pour savoir si. Si il y a possibilité oui. Ou pas. Mais parce que ça coûte très cher. Monsieur Mazur. Pardonnez-moi un instant de question. Croyez-vous que le médecin de famille soit habilité à répondre, à donner une autorisation pour, mettons, une personne qui souhaiterait se refaire les seins ou le pénis? Voilà. Non, mais ça c'est vrai. Surtout non. Si le médecin de famille est un dentiste. Non, mais ça, non, mais attends, mais là, monsieur Mazur, faut quand même pas tout mélanger. Attendez, pas tout ça à la fois. Oh, est-ce qu'on peut aussi se faire refaire le pubis et la nuit? Qu'est-ce que tu me chantes, toi? Ça, t'as déjà, tu veux te refaire le pu. Je sais faire la nue, c'est clair. C'est quoi ouais. Tu dis la nue, Gérard? La nue, c'est le cul. Non, mais la nue. La nue. Ah non, ça n'a rien à voir. Hein. Le pubis, enfin, bref, c'est pas le pubis. Hein. Ouais, je m'en fous. Mais c'est quoi, t'as pas? Pas loin du pubis, c'est tout. Ouais, donc alors? Ouais, non, mais attendez, laissez-la finir, putain! On peut les faire aussi. Il y a Don Pourri qui réagit, qui dit Gérard, mon frère. Moi, ouais, bah, il va se faire enculer. Ouais, GG. Ouais. Est-ce qu'il faut l'avis de la formation de garde aussi Est-ce qu'il faut l'avis de ta mère pour dire des conneries comme ça? Ah, moi, j'en ai une au moins. Hein. Ouais, bah alors, David. C'est David. Ah, c'est pas moi, je te jure. Alors, c'est Michel, en fait. Enfin, Michel. Tranquille. Voilà, terminé. Voilà, alors donc. Gérard, pose ta question, on va écouter un peu de musique juste après. Question de Monsieur Cousin. C'est pas moi, Gérard, je te promets. Il faut retrouver le calme. Non, mais ça va aller vite. De toute manière, il reste moins d'une demi-heure de débat et on n'est même pas arrivé à 10 questions. Oh là là, merde. Allez, Gérard, bon courage. À votre avis. Gérard. Oui. J'ai quelqu'un d'autre en ligne. C'est Jean Eboueur, qui vient 117.7 et de Bombourlet. Ah bah, on va prendre tout de suite après. On va le prendre un peu le 10. Hein. Pour une chirurgie esthétique, est-ce que la sécurité sociale prend-elle en... pour une chirurgie esthétique, la sécurité sociale prend-elle en charge l'opération? Et on se retrouve tout de suite après et on va s'écouter dans un trou de mon nez dans ton cul. Et on se retrouve tout de suite après aux 823-08. Samir, à tout de suite. Ce soir, les bas de Gérard. Oh, celui qui a sa musique. Celui qui a sa musique derrière, arrête. L'émission la plus trash de la bande FM sur Fun Radio. Le morceau que tu nous as passé vers la fin, mais grave. Et voilà, donc, rebonsoir à tous. Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0825-08-5000. Il y a Cécile... Céline, Gérard. Céline au standard. Attends, Hervé. Sinon je me mets à crier comme toi, Gérard. Non, va te dire, c'est moi qui gagne le plus fort ici. Vive Gérard. Oui. Ouais. À la joke. Alors, c'est Cécile, Hervé et... Merde, je sais même plus déjà. Esteban. Esteban à l'aria. Un petit bisou à Ziritao. Non, il n'est pas à l'aria, il est au sur le net. Donc vous pouvez toujours nous appeler aujourd'hui. Et toujours le Pedro à l'aria de mes deux. Donc Leslie toujours, hein. Leslie. Toujours là. Ouais. Alors, Dan Eboueur. Jean Eboueur, 117.7 de Bourlet. Bourlet, mais c'est bon, c'est moi qui donne les fréquences, merci. 117.7, Bourlet. Ta gueule. Bonsoir, Bourlet. David. Oui, David, top modèle en intérim, c'est moi. Et Baby Foch, et Bibi Foch. Bibi Foch, ouais, de la banquise. De la banquise, de la dame de Haute-Savoie, voilà, c'est, ça sera comme ça. Ouais, si tu veux, Gérard. Alors, qui est responsable... non, c'était pas la question. Ah, pour une chirurgie esthétique, la sécurité sociale prend-elle en charge l'opération? On va demander à Leslie. L'opération, non, elle prend pas, non. Démerde, t'es la thune, quoi. D'accord. Mais, donc... Non, mais t'arraches, tu taffes, t'as la thune, tu te fais refaire, quoi. D'accord. Ben celui qui renifle comme un coq, arrête, parce que ça m'énerve d'entendre renifler. Oui. Parce que moi aussi, je sais le faire. Ah, oh, il y a un méchant clair. Jean Eboueur, ben ça dépend. Si c'est dans le cas d'un accident, pour la chirurgie reconstructrice, c'est pris en charge. Non, mais je te parle de la chirurgie esthétique, espèce de cab. Non, mais il a raison. Si c'est de la chirurgie. Eh, hey, le tocard, il t'emmerde, et si tu continues à me dire un mot de travers, je te dégage. Ben, tu me prêtes de cab, attends, je me défends. D'accord. Si c'est suite à un accident, ça peut être pris en charge. Par contre, si c'est juste pour le fun, c'est pas couvert. Et par contre, je m'excuse avant que tout le monde reprenne. Il y a des canards dans le coin. Non, mais j'ai oublié de préciser que ce qu'on venait d'écouter, c'était deux trous dans un trou de mon nez dans ton cul. Hein. Excusez-moi les auditeurs, j'ai oublié. C'est important de le dire, ouais. David. Il a bien écouté. Oui. Eh ben moi je sais très bien répondre à la question. Je peux te dire que tout dépend de, en fait, la sécurité sociale prend en charge la chirurgie esthétique si en fait c'est une personne qui est en fait trop moche pour s'insérer, en fait ça dépend de son insertion sociale. D'accord. Bibi Foch. Ouais, ben moi je reprends l'avis de Léboueur. Ah bah oui. Jean Léboueur. Voilà. Ouais. Qui disait que pour la chirurgie pratique. Non, esthétique, pas pratique. Faut pas confondre. La main de ma sœur. Faut pas confondre la main de ma sœur. Dans la culotte d'un zouave et tentacule et encul de ta sœur. Deux sortes différentes. D'accord. Alors, Bibi Foch. Ouais. Ouais, bah non, la sécu, elle doit pas rembourser. Alors, non, elle prend en charge. Non. Bon, alors. Mais attends, mais j'y suis pour rien, c'est les gens qui m'ont bloqué, ça. Il y a trop d'un poule. Attends, mais il y en a un qui a mis le loft, c'est tout. Ouais, non, mais les poules, elles sont pas dans le loft pour l'instant, on sait pas ce qui se passe encore. Et on s'en fout, ouais. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs, là? Mais je m'en bats les couilles. Sur le net, sur le net, on a les résultats enfin du sondage. Non, non, mais c'est bon. Les sondages, c'est moi qui les prends tout à l'heure. S'il y a des questions, il y a Max qui va faire les sondages. Hein. C'est moi qui vais les faire. Mais après, il y a des questions intéressantes. Ouais, mais il me frappe après, Max. C'est moi. S'il te plaît, Gérard, le sondage. Les gens attendent le sondage. On baisse. Le sondage. Le sondage. Le sondage. Vas-y, fais le sondage là. Bon, gars, c'est moi qui fais les sondages. Alors. Je viens d'entendre un mot. Ah, il a dit que c'est moi, c'est pas moi, Gérard. Non, je viens d'entendre un mot. Attendez, bougez pas. Hein. Tu t'as pas fait plaisir. Je viens d'entendre un mot de pute. Mm. Alors je préviens que je prends au hasard un nom. Ah non. Et je dis David, au revoir. Non, t'inquiète pas, Gérard. Au revoir. On a trouvé lequel c'était, on l'a eu. Trop tard, j'ai pris au hasard et donc terminé pour David. Je ne sais pas chercher midi à 14. Donc les sondages. D'après vous, quelle partie du corps est la plus sollicitée pour les opérations? Alors, 60% disent l'appendicite, 20% disent les doigts des pieds, 15% les seins, 5% les oreilles. Gérard, l'appendicite, c'est pas esthétique? Non, c'est pas esthétique, justement, c'est... Bah alors, qu'est-ce que ça fait dans le débat? Ah ouais, c'est pas du tout. Tu fais mal ton boulot ou quoi? Non, non, mais c'est pas moi qui fais les sondages. Pas les sondages avant de venir. Non, non, mais j'ai vu, mais de toute manière, attends, c'était... Comment tu lui parles, toi? Ouais. Oh, c'est bon, là, vous vous calmez, s'il vous plaît. Alors, au revoir, au revoir. Attends, mais non. Au revoir. Moi, dans mon sondage, j'en ai 27% qui disent, Gérard, si tu t'es arrêté, remets-toi à boire. Ouais, ben, ça m'étonnerait que je me remette à boire pour la gueule des auditeurs sur le net. Enfin, et donc, alors, 60% l'appendice, 20% les doigts de pied, 15% les seins, 5% les oreilles et 2% la rate. Alors, je vois pas du tout le rapport de la rate, je voudrais bien savoir ce que c'est. Personnellement, moi j'ai une rate très esthétique. Hein. Ah ben ça me fait une belle jambe. Qui devrait se faire refaire la tête en France? Alors, moi j'ai une rate, mais dans une petite cage en fait. Ouais, ben c'est bien. Ben... Ouais, non, mais si tu veux. Truc, hein. Ouais, non, mais, elle si est tu comme veux. Ça. Non, mais là-bas tu peux y aller. C'est ma race. Alors, qui devrait se refaire la tête en France? Ta gueule! Bravo! 95% disent moi, donc je vois pas du tout le rapport. 12% la Marianne et 3% pas de bras en chocolat. Donc je vois pas du tout. Des 4 grammes de chocolat. Je vois pas du tout le rapport. Combien d'échecs on met. Quoi, combien d'échecs on. Ont été sollicités. Non, ont été manifestés dans les opérations. Alors ça. 60% dans le cas des Snookies. Les Snookies, à mon avis. Ouais, Snookies. 51% dans le cas de Gérard. 51% dans. 12% dans le cas de. Des tranches de cacahuètes. Et 3% dans le cas de qui est malin tombe dans le ravin. Bah, c'est bien. On va continuer tant qu'on y est. À votre avis, qui aimerait changer de tête? Alors, Gérard 82% des questions. Oh, vous fermez vos gueules quand je fais les sondages, merci. Alors, 82% bécassine, 53% ceinture anonyme, 22% porciné en a marre de se faire prendre les fesses par Winnie, et 15% Gérard le pétard. Je m'en bats les couilles, à chaque fois ça retombe sur moi. Et pour terminer, quelle partie du corps insolite aimeriez-vous vous faire refaire? Alors, 75% le canal... amphibien, 54% l'ongle incarné de Oui-Oui, alors 46% Scooby-Doo, 10% ma calvice, et 1% c'est l'homme qui prend la mer, bah oui, bah voilà. Donc voilà, les sondages sont faits, donc terminé, point final à la ligne. Et on a qui d'autre comme auditeur à part l'Espagne et Baby Frock? On a Romary qui vient de Tain, 78-8. Non, pas de Tain, de Tain. D'où? Eh ben, c'est à l'envers, de Tain. Donc, alors, tu veux répondre à la question avant que j'y réponde? Laquelle est-elle? Alors, pour une chirurgie esthétique, la sécurité sociale prend-elle en charge l'opération? Non, je dirais non. Alors, tu peux préciser le pourquoi? Parce que ça, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Alors, d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais, faut bien vous dire une chose. En principe, c'est non. De manière, c'est carrément non. Il n'y a même pas à chercher pourquoi, à savoir, c'est non. Qu'est-ce que c'est? Mais à peu, elle peut prendre une partie si c'est vraiment trop grave. Par exemple, il avait raison, hein, si c'est un accident. Si c'est un accident, c'est pris par accident. Donc en accident, donc ça veut dire en AT. Donc la sécurité. Non, c'est pas en AT, c'est un AT, c'est accident du travail. Oui, mais justement. Quand tu parles, non, mais t'as un accident de bagnole, c'est-à-dire le week-end, tu vas te promener, t'as un accident. Oui, mais moi, de manière. Attends, t'es défiguré par la vie. C'est qui là qui me répond? C'est les slides là. Oui. Tu m'écoutes? Oui, Baby Foc, Romaric et puis Jean Rascal, vous pouvez répondre. Hein. Bonsoir, je suis nouveau, c'est Jean Rascal. Salut Jean Rascal. On va m'accueillir, bonsoir. Tu me plais, toi. Salut Jean Rascal. Il y a Chaussée au Moine qui dit qu'il pue le débat. Bonsoir. Ah, Chaussée au Moine, il va se faire enculer. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Donc alors, tu dis c'est quoi les slings? Je te dis, tu te prends le pare-brise dans la gueule, quoi. Ouais. Et ben, tu crois quand même pas que tu vas payer toutes les opérations pour retrouver ton visage. Ouais, attention, si c'est suite à un accident. Un accident, ouais. C'est bien ce que tu viens de dire. Ouais. Si la personne qui t'a fait éclater le pare-brise, ouais, est assurée, c'est son assurance qui paye. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est la sécu, c'est pas l'assurance, imagine. Ouais, mais je suis d'accord. Bah, prends pas ton air de racaille, parce que ça va parler. Prends pas mon air de racaille, tu prends le toi, là. Galaxie, mets-tu la galaxie. C'est un scandale, calmez-vous. Si Gérard n'a pas la déconne, il n'a pas la déconne. Bon, Gérard au standard, on va couper deux secondes. Voilà. Vas-y, Gérard. Donc, non, tu peux me les remettre en air, parce qu'il y en a qui sont à conduire. Regarde. Non, mais ils vont se calmer. Ah, vas-y, Gérard, alors. Bibi Foc. Oui. Tu te calmes. Bibi Foc. Oui. On se calme. Non, c'est pas une. Je préviens, je vais zapper au hasard. Au hasard. Alors. Au hasard. Au hasard. Jean-Rascal et Romaric pour terminer avant que je réponde. Est-ce que toi, Gégé, est-ce que tu inclus la chirurgie dentaire dans la chirurgie esthétique? Ça m'étonnerait, franchement. En principe, non, mais bon. Ça défigure un peu quand même. Quand il te manque des chicots, reconnais que t'as pas l'air malin, quoi. Donc ça compte un petit peu quand même, quoi, physique. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi là, ce bruit? Ça manque quelque part là, Gérard? Non, pas du tout. Ah bon, j'ai tout fait quoi là. Romaric, pour finir. Attends, est-ce que tu peux me répondre quand même au passage? De toute manière, la chirurgie esthétique pour les dents, je sais pas si ça existe encore. Bah, imagine, il manque une dent. T'as l'air imagine, con. Il manque une dent, t'as l'air un peu chelou quand même. T'as l'air con, faut dire. Bah ouais. Okay. Ouais, c'est clair qu'à mon cousin Gérard, il lui manque une dent et. Hé, hey, Romaric, au revoir. Pourquoi? Au revoir. On parle pas de la famille. Ah oui, voilà. Hop, terminé pour Romaric, ça va aller vite. Regarde, Gégé, on parle des dents. Regarde Joe Star. Le chanteur? Ouais, le chanteur. Le chanteur de variété française, bien sûr. Tu trouves pas que ses dents, ça le défigure un petit peu, quelque part? Je vois pas le rapport avec la chirurgie esthétique. Il sait faire la chirurgie esthétique, il sait mettre les dents de je sais pas, moi, de Pascal Sevran, tout de suite, il est une autre tête. Non, mais faut pas confondre les chanteurs de rap, et puis les animateurs de télé. Il sait mettre les dents de Cool Chef. Non, alors je disais. Ok, zappe-moi direct. Voilà, non, mais. Vas-y. Ouais, mais Céline Dion, ça n'a rien à voir, elle. Bah non, elle s'est fait faire une chirurgie. Alors, dans ce cas-là, les slides. Ouais. Bah, moi, je vais te dire une chose. Ouais. Dans ce cas-là, tu prends Pamela Anderson et tu prends Lolo Perelri, maintenant, heureusement, qui nous a quittés. Dans ce cas-là, pourquoi qu'ils se sont fait refaire les seins qui sont en silicone pour Pamela Anderson et qui a des problèmes à l'heure actuelle? Ouais, mais Céline Dion, elle n'a pas les dents en silicone. Non, mais moi, je te dis, à l'heure actuelle, maintenant, faut se dire une chose chez les nanas. Les trois quarts des opérations que vous faites faire pour les seins, c'est des silicones. J'en suis désolé. Et il y a aussi l'histoire du coton, parce qu'il y a, comme j'entendais souvent dans les émissions de Klein. Ah, du coton dans les soutifs. Du coton dans les soutifs, mais ça c'est quand même vraiment con. Il y a une question de Catherine Deneuve qui demande si c'est le succès de ton rôle de Chewbacca dans Le Retour du Jedi qui t'a influencé à avoir cette tête de con. Mais c'est une question de Catherine Deneuve. Alors tu lui réponds à cette espèce de poufiasse. Ah, attends, vas-y, dis. Que c'est une grosse conne et qu'elle aille se faire enculer. Voilà. Désolé pour Bibi Fox si je suis grossier. T'as de la réponse grave, ça. Excuse-moi Gérard, on a beaucoup de réactions standards et on nous demande si la chirurgie asthmatique compte dans le débat. Non, ça n'a rien à voir avec la chirurgie esthétique. Et si c'est un connard qui te pose la question, tu lui dis que c'est un con. C'est une fille. Si c'est une fille, tu lui dis que c'est une pute. Ok. Voilà. Quel rapport? T'es une pute. Voilà. Il y a Dev qui nous dit que t'es hard, mais qui te mettrait bien ta cartouche quand même. Ouais, bah lui, il va se faire sauter. Ah, enfin, bref, terminé, j'ai répondu à la question. Donc, j'ai répondu à la question. À votre avis, combien hein? Ben, on l'a dit, la question sur les seins, j'ai dit que ça coûtait à peu près 10 000 balles, environ. Alors, qui est responsable lors d'une mauvaise opération? Qui doit payer? On va demander à Boudin Rouge, tiens, qui vient de nous accueillir 105 100.5 de Rouen. Ouais, c'est ça, ouais. Bonsoir, Boudin. Allez, Boudin. Ah, les gars. Ouais, Jean. Tranquille. Ouais. Alors, Bah, vas-y, la question, c'est quoi? Eh oh, tu fermes ta gueule quand je parle. Il y a Kenza qui est sorti du loft. Oh là. Tranquille. Kenza, il n'y a pas de Kenza dans le loft, et on en a rien à foutre du loft. Non, c'était une boutade de Jean-Pierre Descombes. Ouais, bon, on s'en bat les couilles. Donc, on a Boudin Rouge, Jean Rascal, Baby Fuck et Les Sly. Ouais, Les Sly, ouais. Et Baby Fuck. Oui. Toujours là? Toujours. Ok, bon, réponds quand je te parle, merci. Alors, qui est responsable lors d'une mauvaise opération et qui doit payer? On va demander, au hasard, Les Sly. Les Sly. Les Sly. C'est l'assurance de la clinique. Donc, ouais. Mmh. La clinique, ouais. T'as d'autres questions? Non. Pourquoi, t'es pressé? Non, mais je te demande, tu dis non, mais, rien. Non, mais si t'es pressé de vouloir répondre à toutes les questions, je te les donne toutes. Je suis pressé de te parler en antenne à la fin. Ah, oui. Ah, ok. C'est chaud. Jean Rascal. Bah écoute, moi je suis d'accord avec Les Sly. C'est la clinique ou la clica. Hein. Toi, je t'aime bien, toi. Quoi? Luana est sortie du loft. On s'en fout! Avec ses plateformes prises. Ah non, mais moi je dis le web. Hé, on en a rien à foutre de ce qu'ils nous disent sur le web. Le problème, les questions, c'est sur la chirurgie esthétique, le lop, je m'en bats les couilles. Bah, j'ai mon idée qui dit que s'il s'en bat la couille du web. Dans ce cas-là, s'il s'en bat les couilles, il a qu'à pas venir sur la net. D'accord, Gérard, tu dois t'as raison, Gérard, c'est un scandale. C'est grave de chez grave. Ouais, et je préviens, ta gueule. D'accord. Et je préviens qu'après, on va faire la réunion. Okay. Parce que ce soir, je vais m'énerver. Ah, récupère. Qui c'est qui a raccroché? Qui c'est qui a raccroché? Boudin Rouge. Boudin Rouge. Ouais, je suis là, ouais. T'es toujours là? Non, attends, on va gérer. Jean Rascal, attendez. Oui, je suis là, oui. Bonjour, Rascal, toujours là. Baby Fuck. Ah. Non, c'est Baby Fuck. Ah, c'est vas-y, attends, je vais couper deux secondes la sonnerie, voilà. Pour rappeler, alors. Les Sly, toujours là? Ouais, je suis là, ouais. Ouais, donc, super. Pour rappeler Baby Fuck, alors. Alors, Boudin Rouge, tu disais? Ah, moi, je disais rien. Tu me poses pas de questions, je dis rien. Non, mais je te demande. Ah bon, bah alors, si tu me demandes, je vais te répondre. Y a-t-il? Ouais. Qui est responsable lors d'une mauvaise opération? Moi, c'est la famille. Comment ça? Bah, les premiers responsables, c'est la famille, quoi. Qu'est-ce qu'ils avaient à laisser, je sais pas, leur gamin aller se faire opérer, attends. Non, mais attends. Attends. Et déjà, tout à l'heure, j'ai posé la question, faut-il avoir l'accord des parents et du médecin pour se refaire une beauté? Ouais. Donc, si la personne est mineure, j'avais dit qu'il fallait l'accord des parents. Ouais. Oui, Gérard, Bibifoc est de retour. Bibifoc? Ah. Ouais, excuse-moi. Mais attends, Bibifoc, c'est toi qui avais coupé? Oui. Il y a point sur les i qui nous dit qu'il faut que les parents soient majeurs. Non, mais les parents, on n'en a rien à foutre, c'est les parents qui donnent leur accord. Alors, ça, le mec... je vais te dire une chose. Tu vas bien écouter ce que je vais te dire, parce que là... Explique-toi, Gérard. Parce que là, ça peut être déjà... Oui. On va pas tarder d'arrêter, parce qu'il va être 2 heures. C'est-à-dire qu'on va faire des trucs à trois. Donc, il faut bien se dire une chose. Grave. Que lors d'un débat, les gens doivent répondre... Mais attends, mais grave... Sur le thème du débat. Les autres questions, j'en ai rien à foutre. L'histoire du loft, je m'en bats les couilles. Ce qui se passe avec Loana, tout ça, je m'en fous complètement. D'accord? Ok. Voilà. On est combien? Ça fait mal quand même parce que j'étais fan. Ça fait mal. Non, mais je voudrais savoir combien qu'on est. Bah là, on est 822. Ouais, mais parce que ce soir, on n'a pas une bonne équipe et c'est tout et c'est dommage. C'est dommage. C'était qui m'avait. Allez, vas-y, on kiffe, Pépère. C'était Boudin Rouge maintenant. Ouais. À toi de répondre. Bah, je t'ai déjà répondu, mais t'écoutes pas ce qu'on te répond. Je t'ai déjà dit, c'est la faute à la famille qui a laissé son môme aller se faire opérer. Mais moi, je t'avais répondu, je t'avais dit la question. Je t'avais dit que sinon... Ouais, mais t'as des familles. Bon, toi, t'as pas trop connu ça, mais moi, je peux te dire, t'as des familles. Ils laissent les mômes faire tout ce qu'ils veulent, quoi. Ouais, non, mais attends, mais ça, c'est... Non, mais vraiment, tu me coupes pas la parole, s'il te plaît. Non, vraiment. Je parle. Non, mais c'est bon, ça y est. Jean Rascal. Laisse parler. Bah écoute, moi je suis un peu d'accord. C'est vrai que déjà c'est la faute à la mère. Parce que quand même, si quand t'as cette gueule là, c'est un peu la faute à ta robe quand même. Et ouais. D'accord. Alors, moi, attends, c'est quand même tes parents qui t'ont fait. La mère, elle s'applique pour te démouler et t'as une belle tête, quoi. Si t'es sur la vite, forcément, t'as la gueule de travers, quoi. Et tu vois, pépère, qu'est-ce que je te disais? Donc, non, mais. C'est quand même un peu la famille. Après, sinon, comme je te disais tout à l'heure, c'est la clinique ou la clica, la SF. Alors, moi, je vais répondre à cette question et je réponds comme Céleste Lang qui avait dit que c'était une assurance de l'hôpital qui prenait en charge, et ça, c'est eux qui sont responsables. Parce que s'il se passe quelque chose, d'accord, il y a un problème vis-à-vis de la famille. Non, tu permets, c'est moi qui parle. Non, mais avant, Bibi Fock, elle n'a pas répondu à la question, je m'excuse. Oui. Bibi Fock. Oui. Ben, moi, je dis c'est la faute au destin, Gérard. Comment ça? Bah, si ça n'a pas marché, c'est que le destin a voulu que ça en soit comme ça. Ah, ok. Donc pour toi, c'est de la faute du destin. Oui, c'est les forces cachées, spirituelles. Ouais, qu'est-ce que tu penses de l'expression « c'est la faute à pas de chance » ? Bah, c'est de la faute à pas de chance, c'est bien compris. C'est un bon titre pour Hélène Ségara, ça. Ouais, mais ça, on s'en fout. Donc, alors, qui est responsable ? Donc, je reprends l'expression que disait les slides. Donc, en fin de compte, c'est vrai que s'il se passe quelque chose, déjà, une, c'est l'hôpital qui est responsable, pour commencer. Et en deux, c'est les parents. Pourquoi c'est les parents? Parce que déjà, faut bien dire une chose pour que. Il y a des parents qui bossent dans l'hôpital. Ah, mais ça, si c'est. Oui, mais ça. Ça, c'est une double, ça. Eh? Non, mais ça, de toute manière, si c'est les parents qui bossent dans l'hôpital, de manière. Les hôpitaux. Les hôpitaux sont assurés. S'il y a une faute, c'est eux qui sont responsables, qui prennent tout en charge, qui doivent dédommager la famille. Complètement d'accord. Et si c'est ton père, le chirurgien? Ah, ben c'est pareil. C'est pareil. De toute manière, faut bien dire une chose, que s'il y a une mauvaise manipulation dans l'anesthésie, il faut dire une chose que là, c'est grave, ça devient grave aussi, donc c'est le. Attends, j'ai une question à poser là, ouais. Pépère, deux secondes là. Je suis pas ton pépère et tu me parles sur un autre ton, d'accord? Comme elle a dit, Leslie, je crois. Ouais, ouais. Ton père, il est chirurgien. Ben, je viens de répondre. Et que l'opération, puisque c'est ton père, l'opération, elle ne serait pas à l'hosto, mais elle serait chez toi. Non. Gérard, on est à 8952. Déchire, là. Donc, t'as déchiré, Gérard. 8922. Bravo, mon pépère. Ouais, 8922. Donc, faut bien se dire. Donc, je redisais que eux, ils sont responsables déjà pour commencer. Parce que c'est quand même un travail qui est quand même très important. Donc s'il se passe quelque chose durant l'anesthésie, tout ça, c'est eux qui sont responsables. Ouais, mais attends, c'est eux qui doivent dédommager la famille. Ouais, je suis d'accord. Porter plainte au prud'homme. Attends, si le chirurgien n'a pas d'assurance, tu fais comment? Ah non, mais c'est l'hôpital. Non. C'est l'hôpital. Attends, je t'explique. Des fois, toi, t'as une voiture ou une mobylette, tu roules sans assurance. Non. T'as tout à fait le droit. Monsieur Cousin. Ta gueule. Les médecins ont-ils le droit de garder le dossier médical? On va demander à Jean Reynald. Les médecins, le dossier médical? Oui. Non. C'est à la clinique qu'il faut donner les dossiers médicaux. Non, mais est-ce que le médecin. Oh, putain, mais. Eh, hey, mais t'es borné! C'est ce que je te dis, c'est pas le médecin qui doit garder le dossier médical. C'est la clinique qui doit garder les dossiers médicaux, attends. C'est la clinique qui centralise tout. C'est pas le médecin qui garde le dossier médical, non. Mmh. C'est pas le médecin. Ça, Boudin rouge. Bah moi je dis il peut le garder. Si par exemple après il faut qu'il rentre chez lui, il prend le métro, il a rien à lire. Ou alors tu fais un double. Il y a Mire Express, Gérard, qui dit que t'as une tache sur ton col, mais que ce soir il est bouqué, il peut rien faire. Et qu'il dirait qu'il a une grosse tache sur le coin du nez qu'il a oublié de se moucher. Oh, ça casse. T'as des traces de pipi jusque dans le col. Alors Jean-Pascal et Boudin Rouge, au revoir. Bibi Fock. Ouais, tu peux me répéter la question, Gérard? Alors, les médecins ont-ils le droit de garder les dossiers médicaux? Oui. Ben, en fait, ça dépend. Ils peuvent les garder s'ils font collection, pour les garder chez eux. Sinon, après, ils peuvent les brûler, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent se torcher avec aussi, je sais pas. D'accord. Ils peuvent les distribuer, ils peuvent, je sais pas. Leslie? Alors, le médecin, tu vois, ils font un trip, en fait. Ils font des photocopies, ils en font un trip. ostéopathe en a un, le médecin en a un, et les archives de l'hôpital, ils en ont un. Donc, moi, je peux te dire une chose. Je vais répondre. Je prends le prochain disque qu'on va mettre et on va quand même, comme apparemment, ça a l'air de. Pour mais finir. Moi, je crois qu'on pourrait continuer un peu là. Ouais, on va continuer. On va continuer. On va mettre je vais répondre quand même à la question. Les médecins ont-ils le droit de garder les dossiers médicaux normalement? Non. Si. Non, ils doivent les garder. Alors. Mais non, mais attends. Laisse-moi finir les slides. Ils peuvent les garder. Mais si le patient en a besoin pour son médecin traitant, il a le patient a le droit. Non. Il a le droit de demander par l'intermédiaire de son médecin traitant. Il a le droit parce que les médecins. Mais le patient, il a le double. Non, parce que moi, quand j'ai eu mon opération, je n'ai pas eu le rapport exact de ce que j'ai eu. Ah bah t'aurais dû. Ah, mais je l'ai demandé, on m'a dit que non, je n'avais pas le droit de le réclamer. Et moi, Gérard, si je peux réagir, j'avais été chez un proctologue, il avait gardé mes excréments. Oui, mais c'est pour en faire quelque chose de. Non, mais c'était. Non, mais attention, je parle des dossiers. Il avait gardé mais attention. Oui, non, mais on s'en fout. Non, mais je parle des dossiers médicaux. Parce qu'il faut bien se dire une chose, que le dossier médical, normalement, c'est vrai que le médecin, c'est secret pour lui, mais le patient a le droit de savoir ce qu'il a eu, et donc il est en droit de le savoir. Hein? Et ça, on ne peut pas dire que c'est faux. On a le droit de demander à avoir une copie du dossier. Et qu'est-ce qu'on fait des dossiers médicaux des médecins? Non, mais ça, les médecins, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Ça, les médecins, ils ont un dossier qu'ils ont à eux. Question de Monsieur Cousin. Eux, ils gardent leur dossier s'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, on s'en fout. Hein, le problème, c'est ça. Il faut bien se dire une chose, et ça, je le redis. Et ça, c'est sûr et certain que, le prochain débat qui aura lieu sur l'obésité, c'est pareil. Quand il y a des opérations, toute opération, de toute manière, s'il y a opération, le médecin traitant doit avoir une copie de l'opération. Il ne doit pas. C'est des thèmes de débat. Il ne doit pas. Les médecins qui font les opérations n'ont pas le droit de garder les dossiers médicaux. Et on nous demande si les gens qui sont jamais malades ont pareil, ils peuvent garder. Non, mais ça, ceux qui sont jamais malades, qui touchent du bois, hein, ça sera mieux. Mais faut pas crier victoire, d'accord? Parce une maladie, ça s'attrape très vite. Et à l'heure actuelle, il y en a trop qui souffrent. Et c'est un débat que je ne ferai jamais. Si on veut en parler, je vais en dire deux mots vite fait. Un débat qui ne sera jamais fait sur l'antenne. Et ça, c'est malheureux parce qu'il y a trop de personnes qui en souffrent. C'est le sida. Et ça, j'ai toujours dit, au moment des vacances, j'ai toujours dit, protégez-vous. Terminé. Un petit débat sur la syphilis. Non plus. Gérard, on nous a posé une question au standard. Quand les opérations sont les dossiers sont en double, est-ce qu'on doit faire deux fois l'opération en double? De toute manière, s'il y a un problème que le médecin a loupé l'opération et que le patient va dans une autre dans un autre hôpital ou dans une autre clinique, non, mais il a le droit. C'est si on veut deux dossiers, ce qu'il faut faire deux opérations. Non, il y a qu'un dossier pour chaque opération. Ok. Donc voilà. Alors. Question, y a-t-il des médicaments pour faire maigrir ou une opération? Et on se retrouve tout de suite après au 0825 085 000. Voilà, fin du débat. Non, on va peut-être encore voir. Et bouffe-moi le cul avec une paille. Okay. C'est la chiasse. Et on se retrouve tout de suite après au 0825 085 000. À tout de suite. Ce soir, les débats de Gérard. Tu te foudrais pas de ma gueule ou tu prendrais pas le train là? L'émission la plus barbe de la bande FM sur Fun Radio. Gérard. Et voilà, je suis là, donc tout de suite après les jingles, c'est bouffe-moi le cul avec une paille, j'ai la sciasse. Donc on se retrouve pour encore un petit quart d'heure. Parce que je viens de demander à Max, et Max m'a demandé de continuer encore un peu. Donc on va encore continuer. Donc il y a Octanus qui dit qu'il a vu ton site gay, il est génial. Ah bah c'est bien, il va se faire sodomiser. Quand il veut, il va au château. Il dit chez toi ou chez moi? Non, château de Vincennes. C'est où? C'est où? C'est dans 9-4. Laisse-la. C'est quoi 9-4? Ouais, on s'en bat les couilles. Allez hop, terminé. Nickel. Ouais, c'est bon. On s'en fout là. Mais ils réagissent vite. Ils sont... Non, mais c'est bon, c'est bon. Allez hop. Bon, bah, tu t'en fous de savoir qu'ils sont 15 111. Moi, je le dis pas, ils sont pas 15 111. Oh, le record. Combien? 15 000? Ah oui. Non, j'ai plus envie de le dire. 15 111. Excellent. Bravo. Ils sont trafiqués les chiffres. Hein. C'est 1511. Non, 1511. Non, non. Ils sont 15 111. 1-1-5-1-1. Ouais, ouais, merci. Je suis écrit encore. Laisse toujours là. Ouais, Laisse ouais, toujours là. Ouais. Baby, Bibi Foc. Oui. Didier Destal. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Et Deb Superstar. Oui, bonsoir. C'est Deb Superstar. Bonsoir. Deb. Et la question. Y a-t-il des médicaments pour maigrir ou une opération? On va demander à Gounon. Dev Star. Dev Superstar. Ouais, bon. Les contractions de ouf. Didier. Oui. On se calme. Très bien. Merci. Donc, Dev. Ouais. Alors, si tu veux maigrir, ouais, tu peux avoir soit recours aux médicaments, mais ça marche moins bien. En revanche, si tu te fais l'hyposucher. Ça, de quoi? Trop top. De quoi? Tu fais l'hyposucée. C'est quoi ça? Bah, tu sais pas ce que c'est. Non. C'est un pote à lui qui s'appelle l'hypo. Ah d'accord. Ok, Didier Destal. Effectivement, il y a des médicaments qui existent pour faire maigrir et d'autres qui existent aussi pour faire grossir. Ça existe, ça s'achète en pharmacie. Il paraît aussi qu'il y a des médecins qui réagissent. On peut aussi avoir des pilules pour garder le même poids. Non mais ça, la pilule, c'est pour éviter d'avoir des gamins, ça n'a pas du tout le rapport avec la chirurgie esthétique. Je vois pas ce que la pilule vient faire dans la chirurgie esthétique. Si tu veux avoir des beaux gamins. Non mais attends, mais faut pas confondre la pilule. Pour éviter d'avoir... Voilà. Ouais, bah ouais. Bibi Fuck. Oui, bah effectivement, il y a des médicaments, mais je pense que si tu veux plus d'informations, tu peux demander à Sandy, je crois qu'elle est passée par là, non? Ah, je sais pas. Ah. Ah bah, alors elle peut parler de Sandy alors. Christine, du Slim Fast. C'est quoi ça? Le chocolat, c'est le meilleur. Le chocolat, ouais. Merde. Une genre de poussette au caca. Ah! C'est bien dégueulasse. Oh, mais non, mais attendez, mais dans ces cas-là, pour maigrir, vous avez qu'à faire des spaghettis à la bolognaise, à la Gérard. À la Gérard. Attendez, vous faites un bon pain de spaghettis pour maigrir et tout ça. Vous avez même pas besoin d'avoir recours à une opération. Pour maigrir, vous prenez des bons yaourts bien périmés avec une fois que les gonzesses sont bien oreilles, vous mettez ça dans le plat de spaghettis, vous remuez avec du sel, du poivre, avec un peu de gruyère et vous mangez. Avec un peu de tes habitudes. Ouais. Vous allez voir, après vous allez maigrir, mais grave de chez grave. Hein. Il y a Vania qui demande si t'as mangé un Tampax à midi parce que tu sens. Non, mais ça, même tu mets ça. Allez, sans plus, c'est super bon avec avec des couches vanilla là, bien, tu mélanges bien. On laisse tomber, qu'est-ce que ça peut être dégueulasse. C'est bon, Pedro, merci. Il est cher le crado ce soir. Non, je suis pas crado, je suis en cravate pour une fois. Non, mais fallait bien remettre un peu d'ambiance dans. En tout cas, moi je dis qu'il n'y a rien de tel que la sucette au caca pour maigrir. Ah, putain, dégueulasse. C'est vrai qu'il y a Kenza qui est en train de frapper à la porte du loft pour rentrer dedans. Attendez, parce que j'en ai tout, moi. Elle dégage, la connasse. Attendez, j'en ai tout, moi, pour. Excuse-moi, Gérard, comme ça. Attendez, je suis même pas. T'es sur la question, est-ce qu'il y a des médicaments pour faire maigrir? J'étais parti sur une... On nous dit au standard, il y a des suppositoires pour maigrir, mais il faut les enfoncer bien profond avec le doigt. Oh putain, c'est encore plus rapide que ma cuisine. J'ai une érection, Gérard. Oh putain, c'est tout droit. Donc, je réponds, y a-t-il des médicaments? Bah oui, parce que j'ai vu un reportage là-dessus, il y en a qui prennent des médicaments, donc... Les fameux trucs au chocolat là pour maigrir. Bon, ça existe aussi des opérations. Mais c'est vrai que les opérations ne sont toujours pas efficaces. Parce que c'est vrai que on sait comment qu'on arrive à l'hôpital, on sait pourquoi on se fait opérer, mais c'est vrai que... on sait pas par qui. Bah oui, mais ça, si, tu vois quand même le chirurgien avant, hein, heureusement. Ouais, mais il a un masque. Non, mais tu le vois déjà avant, parce que c'est lui qui voit ce qu'il faut faire. Ah. Mais c'est vrai que, par un moment donné, tu te demandes si ça va être réussi ou si ça va être raté. Hein. Et vous, Gérard, t'es d'accord avec moi que pour le meilleur moyen pour maigrir, ça reste toujours le sport, hein. Bah oui, mais ça, il y a différents sports. Il y a le poussée de camion, il paraît que ça fait... Non, il y a différents sports, il y a... Le poussée de camion. Non, il n'y a pas le poussée de camion. Il y a le sport en chambre, Gérard. Non, ouais, voilà, il y a du sport en chambre, il y a Isabelle Adjani qui demande si tu serais prêt à te mettre un micro dans le cul pour faire mon foie story. N'importe quoi. Donc, dernière question avant de laisser la place à Pedro. Oui, bien sûr, j'anime juste après. Non, enfin, Pedro, à Ivan, s'il est là. Donc, y a-t-il des fautes médicales pendant une opération? On va demander ça. Ça parle avec toi. À Dev Superstar. Ah, écoute, ouais. Oh, y en a plein, même. Il y en a qui demandent s'il y en a un qui pourrait... S'il y a un médecin assez fort pour corriger les fautes de français, de Gérard. C'est qui pose la question? C'est Gérard 2. Eh ben, tu diras que tu lui demanderas si sa mère a sait faire l'amour au lieu de poser des questions cons comme ça. Non, Superstar. Oh, Patrick. Dev Superstar. Ouais, t'aimes bien dire mon nom, hein. Bon, allez! On accouche! Allez, on y va, on répond. Bon, allez, Dev, au revoir! Au revoir! Ouais, mais attends, Pop! Et on est en rentrée! Au revoir, Dev! Didier! Ouais. Didier Destal! Effectivement, j'ai vu des reportages sur TF1 où une nana se faisait opérer et on retrouvait dans son ventre des scalpels, des bouteilles de vodka, des trucs de fou, quoi. D'accord. Baby Fuck? Ouais, bah je pense qu'on a déjà vu assez d'émissions et de reportages avec des ratages et des démonstrations. Donc c'est bien prouvé, hein, je pense. Voilà. D'accord. Ah bah en fin de compte, celle qui vient de quitter le loft, on vient de retourner la photo. Donc je peux vous le confirmer, c'est bien Marlène. Merci, ça fait trois quarts d'heure qu'on l'a dit. Vas-y, on dira. Voilà. Il y a des parties, bon, c'est parti, non? Ouais, c'est Marlène qui a bien quitté le loft. Gérard numéro 1 sur le loft. Et donc les slides pour terminer. Non, c'est bon. On reprend plus personne, on fait la conclusion juste derrière. C'était quoi ta question? Il y a des gens qui auraient préféré qu'ils fassent la conclusion avant. Médicale pendant une opération. Là, c'est pas des fautes, c'est des erreurs. Des erreurs, ouais, si tu veux. L'hôtel l'a dit, quoi. Il y en a, ils se retrouvent avec des instruments chirurgicaux dans le ventre. Mm-hmm. Et il y en a même, ils ont trouvé des radios, ils avaient des bouteilles de coca dans le cul. Voilà. Ouais, ça, c'est vrai que j'en ai entendu parler de cette histoire. Moi, je dis, faut pas jouer avec les gens quand ils sont sous anesthésie, parce que ça, c'est pas moral. Mais ça, de toute manière, j'ai... C'est... Merci, Pedro. Bon, donc, c'est vrai que les heures... Vous décapsulez, vous, Gérard, avec votre anus en titane? C'est qui parle? C'est Dev encore. Non, il est plus là, j'ai dit au revoir. Ouais, il est là. Mr. Cousin, it's Trevor Jones. Donc, c'est vrai qu'il y a des erreurs médicales, des erreurs médicales qui existent. Et c'est vrai que ça devient inadmissible. C'est même pas pour les raisons qu'on pense, c'est pour d'autres raisons, c'est même pas... Merci, qui c'est qui s'amuse à mettre ça? Ça va être à côté, je crois. Tu peux me remettre les auditeurs en air parce qu'ils ont peut-être pas entendu ma réponse. Il y a quelqu'un qui te parle. Il y a quelqu'un qui vous parle, monsieur Gérard. Mais c'est Pedro, tu arrêtes, s'il te plaît. Et dans le studio à côté. Je peux traduire, je suis bilingue. Mais c'est crazy. Allez, terminé. Conclusion du débat, Didier. Non, Gérard, t'as une réponse encore. Ouais, j'ai pas fini. Donc, je disais, pour reprendre la question à Lesline, c'est vrai qu'il y a des erreurs médicales, et comme Bibi Fock disait, qu'il y a eu trop de rattaches sur certaines personnes, et c'est vrai qu'il faudrait que ça s'arrête. Il y en a dans le studio, ouais. Cette histoire. Voilà, donc terminé pour ce soir le débat. Donc, DJ Destal, conclusion. Mais je crois qu'il y avait une personne qui voulait vous parler. Hein. Non, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Oui, mais je l'entends aussi, ouais. Conclusion. C'est ton ami Trevor Jones. Conclusion, Didier. Il a échappé à l'accident quand même. Arrête. Survivant. Je vous laisse Pedro, savoir. Pedro, c'est conclure, Pedro. Merci. Monsieur Cousin. Monsieur Cousin. Va te faire enculer. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, approfondir le monocouille, s'il te plaît? Tu pourrais te mettre un doigt dans le cul et toucher la couille. Gérard, est-ce que tu peux remettre ton casque et vas-y, termine. Gérard, on a une émission. Ça peut le débat, hein, moi je peux rien faire. Hein, c'est que tu pourrais jouer avec ta boule devant la welcome, là. Didier, conclusion. Can you play Mr. Cousin? Oui, Didier, conclusion. Tu joues avec ton prépu. Est-ce que tu touches la nuit? Didier, conclusion, une fois. Il y a Sister Gump, Didier Gérard. Il y a Sister Gump. Est-ce que tu suces ton pénis? Il y a Sister Gump qui dit Gérard, c'est comme une boîte de fuca. On ne sait jamais ce qu'on attendait. C'est bon, la conclusion, c'est terminé. On fait conclusion du débat, on arrête parce que c'est trop le bordel. Bon, Gérard, tu cousirais, s'il te plaît. Didier Destal, la conclusion du débat. Question de monsieur Cousin. T'énerve pas, tranquille. Gérard. C'est un bon débat, Gérard. Gérard, président. Conclusion. Gérard, c'est un très bon débat sur la chirurgie esthétique. J'ai été très déçu d'apprendre que Marlène s'est tirée du loft. Parce que là, apparemment, on se retrouve qu'avec des chirurgies sur M6. Mais je souhaite quand même bon courage au lofter, parce que ça doit être dur d'être filmé comme ça et de se faire charrier. Et je voulais encore te féliciter pour ton débat, toute l'équipe, cette ambiance de folie, c'était vraiment la fanfaronnade, la gaudriole, je me suis bien poilé, et voilà Gérard. Non mais je crois que l'équipe tu la retrouveras pas du tout, c'est moi qui te le dis. Ah ouais, ouais on était super fous. Terminé. Conclusion. Ouais, bah non, bah, moi je veux même plus te parler, quoi. Tu m'as dégoûté avec tous tes bruits là. Mais c'est pas moi. C'est dégoûtant, ah si, c'est toi. Ouais, t'es dégueulasse. C'est dégueulasse. Gérard, la conclusion. Tu te la fous dans le cul, ta conclusion. Bon, de toute manière, ça va aller vite. Bibi Fock, conclusion, s'il vous plaît. Non, c'est trop tard, c'est dégueulasse. Bon, serpent antenne. Il y a plein de gens qui disent que c'est du vent. Ouais, c'est bon. Laisse là. C'est un peu pareil. Quoi. Les mecs qui pètent, ça me débecte. Ouais. Donc je pense que je vais pas trop prendre en compte. Je vais quand même dénoncer que Gérard m'a demandé de changer de nom pendant une disque. C'est dégueulasse parce que je suis sûr que c'est des pratiques qui sont pas sur cette radio. Ça, c'est dégueulasse de dire aux auditeurs de changer de nom. Il y aurait de la tromperie donc. Voilà. J'aime pas trop. Je suis pas une habituelle. Ah, je suis déçue. Bah, non, mais Gérard, attends. Imagine, tu me dis que tu changes de nom. C'est parce que t'arrives pas à dire mon nom. Non, mais tu devrais même pas faire de la radio, t'as même pas d'éthique. Eh ben, dans ce cas-là, c'est même plus la peine de passer dans les débats, salut. Didier Destal, je te rappelle, parce que toi, moi, t'as l'air d'un mec bien. Alors, je suis sick. De quoi? Tu disais quoi, les slides? Je suis un mec bien, je vais après. Didier Destal, psychiatre sur 6. Des cas sociaux. Ou Gérard, si tu veux, ton petit numéro de charme en antenne, ça marche pas, quoi. C'est pas moi qui s'amuse à ça, c'est ici. Non, ça marche pas, je suis désolé. Donc, Bibi Fock, tu quittes pas, je te reprends en tête. Donc, conclusion du débat, je fais pas la conclusion. Monsieur Cousin, je ne fais pas la conclusion sur le net, je veux savoir simplement combien qu'on est, c'est tout. Alors, sur le net. Merci. Non, c'est pas moi, alors tu donnes la conclusion et je vais régler ça tout à l'heure dans le bureau. Conclusion. Alors? Ah pardon, j'en ai la conclusion. Bah la conclusion, c'est que à la fin, on a établi une moyenne de 720 000 et que sur la fin, on était plus proche du début, c'est-à-dire à la moitié du deuxième tiers de l'émission. Non, ça me dit pas. Bon, de toute manière, moi je vais faire la conclusion. Débat de merde, équipe de merde. Terminé, au revoir. Ah non, Gérard, c'est un scandale. Vous avez écouté la balade des boîtes de cul de jatte et on se retrouve très bientôt. Au revoir.